Jean Savic Food. Climate change, destruction of the Earth's surface, and population growth are leading us to a tipping point. C'est fou pour affirmer dans un tel laps de temps. aura pas de mouvement tellurique, pas d'effondrement. Tu peux dire sérieusement qu'il n'y aura pas de guerre, même que des humains. Tes mots, tu montes le ton, tu slams et tu rappes et t'es fier. Tu pousses la chanson pour mettre ton son. Tous tes vers sont sévères quand ils mêlent à l'envers. Les mots dits, les mots tuent, les mots crus, mais n'aie pas peur, petit frère. Du drummer qui boxe le son. Tu slams et tu rappes, petite sœur. T'écris ta vie, t'écris l'envie, tu slams et tu rappes en couleur. T'écris ponctue ta poésie, tu déclames, t'éclames tes potes apostrophes, tes caïds, tu les captes, tu les stops, tu les pull-offs. Mais écoute bien, petite sœur, la basse qui soulève ton cœur. Ton discours est trop court, la musique communique comme le lettre, le rythme, l'essence mélodique. Aime le sens de ton flow, naissance harmonique, freestyle ou impro, un estat cacophonique. Mais écoute bien, petit. La guitare qui pousse ton cœur. noir cerise en mode ragamuffin. Envers les mots, dis les mots, tu les mots, tu les mots crus, tu déclames, t'éclames, tes potes apostrophes, les cahiers, tu les casses, tu les stops, tu les bofs, ton discours est trop court, la musique communique comme le lettre, le rythme, l'essence mélodique, aime le sens de ton flow, naissance harmonique, cristal ou impro, un estac cacophonie. Mais écoute bien, petit, noir cerise qui pousse son cri. Écoute bien, petit, noir cerise qui pousse son cri. Chers auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, merci d'être fidèles au rendez-vous tous les vendredis soirs à partir de 19h. C'est presque le début du week-end. Il y en a certains quand même qui travaillent le samedi. Mais enfin, comme ça fait une petite pause quand même. Juste avant le week-end, l'émission Mavrika, dans laquelle on reçoit les meilleurs artistes de la région orléanaise. Et d'ailleurs, les artistes locaux sont tous les bienvenus, quel que soit l'endroit d'où ils viennent. D'ailleurs, on a reçu des gens un peu de toute la France et même certains qui sont venus de l'étranger. Depuis le début de l'émission, on a écouté un groupe qui s'appelle The Wilds. Ils sont venus dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, du moins un des membres, parce que j'ai pas eu la chance d'avoir les deux personnes, mais ils sont venus dans l'émission et le lendemain ils étaient en concert au Dropkick et c'était vraiment un plaisir de les voir. The Wilds avec That Girl Is Killing Me. Juste après, un groupe qu'on aime beaucoup aussi, un groupe qu'on a fait jouer au précédent Maverick Alive. Le groupe s'appelle Rascas et on aime bien les gens humainement déjà et musicalement aussi, hein, puisqu'on a écouté un morceau qui s'appelle Lilou et ça nous fait vraiment plaisir de l'écouter. Alors c'est vrai que dans l'émission de Mavrika on reçoit plein de gens super et tout ça, et c'est le cas aussi pour le groupe Barricade. Et on a écouté un morceau qui dure assez longtemps mais qu'il est bien de rappeler de temps en temps, donc ça s'appelle Souviens-toi d'oublier. Ça veut dire qu'en ce moment on ensevelit des tonnes et des tonnes de déchets nucléaires et puis on les enterre et en se disant dans mille et quelques années ils seront inactifs ou dans plusieurs dizaines de milliers d'années, mais ce qu'il faut savoir c'est que dans des dizaines de milliers d'années on se souviendra plus qu'ils ont été enterrés là. Donc c'est un petit peu le sujet de cette chanson là. Ça s'appelle Souviens-toi d'oublier et c'était le groupe Barricade. Et à l'instant on vient d'écouter un groupe qu'on a reçu aussi dans le courant 2025, un groupe qui reviendra dans l'émission sûrement, ça j'en suis presque sûr. Il s'agit du groupe Noir Cerise et le morceau qu'on a écouté s'appelle Rap Pro Gra. Bon, je recommence. Rap Rock Raga. Voilà. Là c'est un petit peu compliqué. C'est vrai que je m'en mêle tout le temps avec ce truc-là, mais bon, en vérité, ils ont un petit peu triché. C'est rap, rock, raga. Voilà, c'est plus simple à dire quand ça se touche pas. En tout cas, c'est un morceau qu'on va écouter avec beaucoup de plaisir. Et dans l'émission Mavrika, ce soir, on a des invités. Et d'ailleurs, je suis en train de chercher ma petite liste. Au moment de parler, je sais plus où elle est partie. Bon, bah, c'est pas grave. Voilà, elle est là, ma petite liste. Voilà, j'en ai un peu partout dans les studios. Le temps de me préparer. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? On a reçu, on va remonter il y a quelques semaines. Déjà, on a reçu ici, dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, le groupe Les Butterflies. Donc, un vrai plaisir de les découvrir. Ils avaient fait la première partie du groupe Sika, donc, pour la sortie de leur album Sika. D'ailleurs, Sika, si tu nous écoutes et tu es toujours la bienvenue dans l'émission Mavrika, avec Chris, bien entendu, hein, donc le groupe au complet. Et donc on avait reçu les Butterflies, on a reçu Mélanie Dis, on a reçu Axel de la Paix, on a reçu Modarn, on a reçu la semaine dernière, c'était Dirty Kitten qui était dans le studio de Radio Arc-en-Ciel. La semaine prochaine, c'est un groupe qui nous vient de la région de Lille, voilà, qui sera là dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Et puis le 3 avril, voilà, on va recevoir aussi Lonson Sonic Waters, Watson, pardon, dans mon émission. Donc Lonson Sonic Watson, c'était Christian, finalement, le chanteur des Sonic Lag, qu'on a reçu il y a pas très longtemps, qui ont aussi participé à Mavrika Live, et aussi de Goodbye Watson, un groupe qui n'existe plus, dans lequel il était venu aussi dans l'émission. Mais il faut savoir que Christian a aussi un projet solo qui s'appelle comme ça, Lonson Sonic Watson, et il sera avec nous le 3 avril. Et le 10 avril, nous allons recevoir Oniris. Alors ne vous inquiétez pas, on reçoit par semaine à peu près 3 demandes pour venir dans l'émission Mavrika. Il y a plein de groupes qui se disent, et nous, c'est quand qu'on passe? Donc on va essayer de caler tout ça, parce qu'on a plein de dates à caler. Et ce soir, dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, nous avons un groupe, voilà, on a calé la date, ils sont là, ils sont présents, on va découvrir tout leur univers. Ça s'appelle Riptide and Tears, j'espère que je le dis bien, on va leur demander tout à l'heure. Et en attendant, on va écouter un petit morceau. Alors le morceau qu'on va écouter, c'est un morceau que nous a laissé le groupe de la semaine dernière. Alors c'était le groupe Dirty Kitten, et ils nous ont interprété un morceau en direct live, et ils nous ont fait découvrir tout leur album. Ils nous ont laissé leur album, et je vous propose d'écouter un morceau tout de suite. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika. I wonder if I have anger issues. Sometimes my deep breaks and crazy. Even when I have nothing to lose, I'm bullying someone to get mad at me. Just a catchook. What a terrible mother I be. jusqu'à la dernière note. Donc c'était le groupe que nous avons reçu ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. C'était une découverte dans l'émission numéro 674. Le groupe Dirty Kitten avec un morceau qui s'appelle Under Issue. J'espère que je l'ai bien dit parce que la semaine dernière j'avais eu beaucoup de mal à le dire. Enfin bon, j'ai pas vraiment l'accent anglais, mais enfin j'espère que ça vous a plu. En tout cas, c'est un superbe morceau, super bien enregistré et super bien interprété, en une très bonne découverte. Donc le groupe Dirty Kitten. Si vous avez bien calculé aujourd'hui, on est dans l'émission numéro 675 et nous recevons un groupe ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Ils sont déjà. Ah voilà, ils sont déjà là. Alors j'essaie de faire monter les micros, mais ils sont en train de jouer de la musique déjà. Donc on va le faire doucement. Voilà, on revient dans les studios de Radio Arc-en-Ciel donc avec nos invités. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le groupe s'appelle Riptide and Tears. Voilà, on baisse un petit peu la musique et on va commencer à découvrir leur univers. Ils sont là pour ça, pour nous présenter leur travail. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, bonsoir. Vous êtes en place. Bonsoir, Abino, on est en place. Ouais, parce que vous avez fait un peu de route, et puis là, en plus, vous avez envie de manger un petit peu quelque chose avant de l'émission. C'est ça. Non, mais il faut savoir que des fois, les artistes viennent de loin, et des fois, ils mettent aussi, je vois le groupe de la semaine dernière, ils sont venus de Tours, et ils me disaient qu'après, ils étaient obligés de passer 2 heures déjà pour rentrer après l'émission. Et donc, c'est la même chose pour nous, on vient de Tours. Voilà, c'est pour ça, je me suis dit, comme vous venez aussi de Tours, je me suis dit, oui, effectivement, il faut faire un trajet, il faut prévoir l'après-midi pour venir dans l'émission. Et puis la semaine dernière, on a un groupe qui vient de Lille, hein, donc voilà, encore un peu plus loin. Donc nous, on reçoit avec beaucoup de plaisir les différents projets qu'il peut y avoir. Et le groupe de ce soir s'appelle Riptide and Tears. Je le dis bien ou... C'est parfait, c'est Riptide parfait. And Tears. Je suis trop fort là. Je me suis entraîné aussi un petit peu. Et ce groupe-là, alors déjà on va présenter les membres. Quels sont les membres de ce groupe? Alors les membres de ce groupe, alors nous sommes pour partie présents ce soir. Riptide and Tears, c'est surtout un projet avant d'être un groupe. C'est le projet d'un album solo de moi, Christophe... qui va mêler différents artistes et faire venir participer à cet album différents artistes de la région Tourangelle et de la grande région centre, de différentes personnes que j'ai pu rencontrer au cours de mon expérience musicale. Et l'artisan principal et la naissance de ce projet, c'est grâce à William qui est avec moi ce soir. William qui a participé aux arrangements de notre premier single notamment, qui est un guitariste hors pair, hors norme, et c'est surtout une rencontre humaine et musicale au départ. Très bien, donc vous êtes deux pour représenter le projet, mais en tout vous êtes combien? Alors en tout, c'est vraiment compliqué. C'est un projet qui a... projet qui va faire venir très très concrètement différents batteurs selon les morceaux qui vont arriver sur cet album, qui va faire intervenir différents bassistes, qui va faire intervenir des gens qui viennent du monde du jazz avec des cuivres. Il y aura un morceau de rap sur l'album et différentes collaborations avec des rappeurs également. D'accord. Donc l'objet, c'est vraiment de faire participer beaucoup de personnes, voilà, qui ont été rencontrées dans chacun dans leurs univers musicaux et qui vont venir se greffer au projet Riptide and Tears, donc qui sera mon premier album solo. Donc vous êtes deux, vous êtes les constants. Donc si j'ai bien compris, donc Christophe et William, vous êtes les constants, et après vous êtes accompagnés par d'autres intervenants suivant les morceaux. Tout à fait. D'accord, très bien. Rappeler un petit peu, Christophe, toi tu es déjà venu dans l'émission Mavrika. Et oui. Alors on a recherché dans nos archives, hein, c'était en 2018. Et oui, Albino. C'était le 16 mars 2018. Donc le temps passe très très très vite. Hein. On est en 2026, donc ça fait bientôt. Ça fait 8 ans, ouais. Bon, tu n'as pas changé d'un pouce. C'est pareil, j'ai regardé les photos, t'as pas bougé non plus, hein, donc ça fait plaisir. Et tu t'es venu avec un groupe qui s'appelle KTS. KTS, Kill the Shade. Kill the Shade. Exactement, voilà. Dont j'ai eu le bonheur et la joie d'être chanteur pendant environ 5 ans. Mm-hmm. Mais qui qui a accompagné mon arrivée en Touraine. En fait, c'est aussi une histoire d'être humain, KTS, Kill the Shade, qui continue aujourd'hui leur aventure avec une chanteuse. Et moi, j'ai arrêté la musique en fait depuis 6 ans. Donc, d'accord. Le projet Riptide and Tears. J'espère que c'est pas à cause de l'émission. Hein. Tu passes dans l'émission derrière, hop, il est juste tombé. On a traversé plein de belles choses avec KTS. On a fait énormément de concerts, de festivals. Et puis, ça reste mes copains. Ça sera mes copains pour la vie. Voilà, on a échangé tellement de bons moments et on se croise évidemment tous de temps en temps avec grand bonheur. Très bien. Donc, aujourd'hui, un nouveau projet. Donc, alors, le projet, il existe depuis combien de temps? Eh bien, le projet, il existe deux ans à peu près. Alors 2 ans pour William et concrètement, eh bien depuis 5 ans, j'ai commencé à attraper ma petite plume, mes petits instruments et à composer cet album il y a déjà 5 ans. Et aujourd'hui, ouais, ça mûrit petit à petit, quoi, finalement. C'était reprendre goût à la musique et pouvoir lui donner vie un jour, et le moment est venu. C'est pour ça qu'on vient de voir ce soir Albino. Très bien. Alors toi, tu m'as dit, j'ai pris ma petite plume, c'est pour faire d'abord les notes ou d'abord d'abord les paroles. Comment ça devient toi la composition, l'écriture, la composition? Eh ben, généralement c'est plutôt la musique, c'est plutôt les premières notes. Aujourd'hui, en fait, tout ce projet, il est né plus particulièrement pendant la période qu'on a traversée tous à la maison du Covid. Ouais, c'est sûr, voilà. Que là, ça fait un changement, un chamboulement dans la vie de tout le monde. Exactement, hein. qui a été prolixe en termes d'idées, d'envie, mais j'arrivais pas à mettre à jour. Donc voilà, tout ça a pris longtemps à infuser avant d'être diffusé. Le premier single, par exemple, l'histoire de Théorie, c'est vraiment ça. En fait, le morceau, il a été écrit il y a 5 ans, et ce qui est drôle, c'est de voir qu'aujourd'hui, il prend tout son sens, alors que finalement, les premières notes ont été écrites il y a déjà 5 ans. Oui. Le temps passe vite. et malgré tout, il trouve tout son sens aujourd'hui. Très bien. Donc ce morceau-là, on l'a en version. C'est la version définitive. Là, c'est la version définitive, puisque on a eu l'occasion déjà de tourner notre premier clip avec l'extrait Théorie, hein, donc le premier extrait de l'album à venir. Donc un clip qui... réalisé par KVN Film, qui nous regarde en direct là. D'accord. Super. Ah ouais, d'accord. Il y a une caméra et tout ça. Il est important de rendre hommage. La communication aujourd'hui, on peut faire pas mal de choses avec la technologie. Et qu'on ne saura jamais assez remercier, qui a vraiment une formation d'école de cinéma et qui a su réaliser et mettre en image tout le sens de la chanson, en fait, donc a fait réaliser un travail extraordinaire. Donc encore une fois, merci Kevin et KVN Films pour lui rendre hommage comme il se doit. Très bien, c'est bien de parler justement, parce que souvent il y a des artistes qui viennent ici, ils ont en projet de faire des vidéos, mais il faut connaître les bonnes personnes, parce que aujourd'hui une vidéo, tout le monde peut la faire, on a tous un petit téléphone, on peut tous faire une vidéo, mais une vidéo de qualité, il faut quand même, il y a des gens qui ont fait des écoles, tout ça, donc forcément ils vont mettre beaucoup plus en valeur que la petite vidéo qu'on fait comme ça. Bon, on arrive à faire des choses de mieux en mieux aujourd'hui, et en plus on peut se faire aider par l'IA de plus en plus aussi, mais il y a quand même des gens dont c'est le métier, et donc ils font vraiment des clips de A à Z. Ils ont fait la capture, le montage, ils ont fait tout ça. Il a vraiment fait tout ça. Il a su mettre en image le scénario et le texte de la musique. Donc on saura jamais assez le remercier, parce qu'il a compris le sens, et c'est surtout une histoire de d'humain, hein, derrière, parce que la musique c'est avant tout l'humain, avec évidemment un savoir-faire époustouflant qui est le sien, mais vraiment d'avoir compris le texte, les mots, d'avoir pioché des idées, d'avoir passé énormément de temps en montage, en effet spéciaux, donc voilà, il a vraiment passé du temps sur ce projet, et je sais pas comment lui dire merci. Par contre, on a tourné le clip dans mon studio et ils m'ont foutu un sacré bordel quand même. D'accord. Okay. Il y a quelques petits secrets de fabrication, puisque en effet, les effets spéciaux aidant, on a pu tourner avec des fonds noirs, des fonds verts et faire apparaître différentes images de l'actualité, hein, notre triste actualité ou gay, ça dépend des points de vue. Ouais, ça dépend des points de vue, oui. Enfin bon, quand on regarde les informations en ce moment, c'est plutôt je sais pas, il y a beaucoup de gens qui sont c'est anxiogène quoi finalement. On regarde les informations le matin et ça y est, notre journée, on dit mais attends, qu'est-ce qui se passe, dans quel monde on vit, voilà, de plus en plus, en tout cas c'est une impression que j'ai moi, et en discutant avec beaucoup de personnes, ils ont la même impression, donc voilà. Elle est partagée, puisque une nouvelle fois, ne pas oublier que ce morceau Théorie, il a été composé pendant la période du Covid, où chacun était chez soi et n'avait qu'à réfléchir. Déjà on a vécu une période un peu particulière, on pensait jamais qu'on allait vivre un truc pareil, et finalement aujourd'hui on l'a un petit peu oublié, tant mieux, hein, parce que finalement il y a des choses qu'on garde dans notre mémoire, il y a des choses qu'on veut oublier, et je crois qu'on essaie d'évacuer tout ce truc là mais d'un côté ça a pu être trop positif justement pour des gens qui se sont retrouvés justement à pas pouvoir faire autre chose que de la musique ou de la composition, des choses comme ça, donc ça peut être bénéfique aussi. Il faut toujours voir le bon côté. Il y a exactement ces deux côtés, mais l'histoire de Théorie, c'est ça, c'est ce que raconte le single, c'est que plein de gens et cette époque particulièrement laissaient la place à différentes théories. Tout le monde avait une théorie sur ce qui était en train de se passer. Oui. tout le monde en a gardé des traces avec le bien, le mal, laisser la parole à des gens qui étaient des vrais théories, des scientifiques, voilà, on ne savait plus trop dans quelle direction avancer, et aujourd'hui, cette période traversée, les théories sont pour certaines toujours existantes, et certaines toujours, je sais pas, peut-être à venir, mais c'est exactement ce que raconte le morceau, voilà, que chacun, en tout cas, la parole a été libérée sur la théorie, vraiment. C'est vrai que ce que tu me dis là, ça me fait penser à quelque chose, c'est qu'à une époque, on voyait autour d'une table, dans les informations et tout ça, dans les télévisions, il y avait des spécialistes qui étaient là pour ils étaient tous professeurs et c'était tous, alors qu'en vérité on pouvait pas le vérifier. Mais ces gens-là, on les a retrouvés quelques temps après avec l'Ukraine. Ils étaient tous spécialistes aussi de l'Ukraine. Tiens, bizarre, c'est les mêmes. Et après, ils étaient et ainsi de suite. Donc, au bout d'un moment, on se dit, ouais, mais finalement, leur métier, c'est de nous dire des choses. Mais en vérité, ils sont spécialistes autant que nous. J'ai l'impression. T'es en train d'exactement valider mon propos. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est comme la différence entre être journaliste ou chroniqueur. Je ne sais pas quelle est la différence, quelle est la limite. Qu'en effet, la parole a été donnée à des spécialistes de tout et de rien à la fois. Et de rien à la fois. On a cloué le bec à certains spécialistes aussi. C'est ça. Et il s'est avéré que même des grands professeurs qui arrivaient avec des solutions miracles se retrouvaient confrontés à la réalité que les solutions proposées n'étaient pas forcément les bonnes. Mmh. Mais en tout cas, la parole a été donnée. Alors, ils avaient tous des solutions. Une journée, c'était telle solution. 15 jours après, c'était exactement l'inverse. Exactement. Mais ils nous le disaient avec la même conviction. Et on était un peu perdu quoi. Pendant un moment, on dit mais dans quel monde on est. Bon, en même temps, il y avait plein de gens qui savaient rien. Et ce qu'il faut s'avouer, c'est qu'on ne savait pas grand-chose. Mais il y avait des gens qui disaient, si, nous, on sait, on maîtrise. Voilà. Et en vérité, ils nous ont envoyés contre le mur. Exactement. Voilà. Exactement. C'est un peu... Ouais, l'impression que tout le monde a eue. Hein. Tout le monde s'est dit, voilà, on est un petit peu mené en bateau par certains soi-disant spécialistes qui, en vérité, ne connaissent pas plus longtemps, plus que nous. Et quelques temps après, on s'est rendu compte que ce qu'ils nous disaient, c'était carrément des conneries. Quoi. Mais ça a été la porte ouverte à un nouveau monde dans lequel on vit aujourd'hui. Oui, que ces chroniqueurs et ces commentateurs sont restés en place aujourd'hui, oui. Avec leur théorie, et leurs portes, les portes, qu'elles soient médiatiques ou sont toutes grandes ouvertes, et ça a été l'apanage et l'arrivée d'un nouveau modèle de pensée, en tout cas qui est dû à cette période dont on, d'une certaine façon, on subit les conséquences aujourd'hui. Très bien, donc c'est le sujet de ce morceau, ça s'appelle Théorie. Alors ce morceau-là, il était enregistré dans quelles conditions ? Il a été enregistré dans de bonnes conditions. Dans de bonnes conditions, c'est-à-dire dans un studio, ou c'est vous-même qui l'avez fait, William. Comment ça se passe ? Oui, j'ai la chance d'avoir un humble studio à mon domicile. Donc on est d'abord passé par une phase de maquette. On a enregistré quelques guitares, posé les voix, qui n'étaient pas spécialement les voix définitives, mais au moins pour avoir une bonne structure du morceau. Et puis voilà, j'ai enregistré les basses aussi. Maxime Serrore a enregistré les batteries, pas très loin d'ici, à Ingré. Oui, Maxime Serrore, oui, ça me dit quelque chose. Sûrement, il est déjà venu ici, oui. Exactement. Donc voilà. Et puis ensuite, on a refait des voix définitives. J'ai réenregistré les guitares et les basses. Et puis ensuite, voilà, c'est parti au mixage avec l'aide de mon ami Noé Gendry aussi. Et voilà. En gros. En gros, c'est ça. L'histoire du morceau. Bon, ce qui est à l'origine de tout ça, c'est peut-être notre première rencontre avec William qui date d'il y a 7-8 ans, enfin voilà, quelque chose d'improbable. C'est une rencontre autour d'un bœuf musical où je vois un guitariste comme ça qui apparaît dans la foule où chacun partage ses instruments. Et puis moi je viens d'arriver dans la région, je ne connais personne et j'ai le coup de foudre là pour ce gars qui joue de la guitare. Donc je vais le voir, je lui dis mais dis-moi. Ça dirait de jouer ces 3-4 notes là et puis tu me laisses faire, on se suit et puis on voit ce que fait la foule. Il me dit oh, bah oui, moi j'aime bien, ça me paraît un pari de fou. Et puis en fait on se rend compte que ça match entre nous immédiatement. Donc William, c'est un peu mon petit frère. Ouais. D'accord. Vous avez eu un bon feeling, vous êtes bien entendu voilà. Tout de suite au niveau musical et humainement. Donc, voilà, je me rappelle qu'il m'avait demandé si on pouvait faire une version reggae de Roxanne de The Police. Et là, je m'étais dit, ouais, allez, on le fait, ça va être drôle. D'accord, carrément reggae, parce que Police déjà, il faisait le reggae un peu blanc, reggae, reggaeta de blanc. Voilà, cet album-là, etc. Et donc, ils avaient effectivement, ils avaient cette influence-là en Angleterre à cette époque-là, parce qu'il y avait des immigrés jamaïcains qui avaient amené, et il y avait eu un mélange de cultures. Hein. On voit aussi, par exemple, The Clash, beaucoup de groupes comme ça. Il y avait le côté reggae mélangé avec du rock. Orléans aussi, on a les Berlinettes qui font le côté opposite et le côté, voilà, il y a plusieurs groupes comme ça parce que à l'époque on écoutait les deux cultures, on écoutait les deux musiques et c'était pas incompatible. Hein, la preuve, c'est que exactement, ça a même été une grande influence, la musique ska punk dans mon cursus moi musical. Ah ouais. Ça a été une révélation d'avoir grandi avec des personnes de 10 ans de plus que moi. Voilà, je suis pas forcément de ma génération, mais je vois bien de quoi tu parles. Donc la semaine dernière, on a reçu les Dirty Kitten et leur album s'appelle Hey You. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Hey you. C'est Madness. Et moi, Pink Floyd. Voilà. Non, c'est là où je voulais en venir, tu vois, suivant les époques. Moi, pour Hey You, c'était Madness ou les Specials? Pour moi, c'est Madness. Hey, c'est le début de One Step Beyond. Mais oui, après, tu as raison. Il y avait aussi les Specials qui faisaient aussi ce truc-là. Mais là, tu as raison, c'était Madness. Hey You, donc, et il y avait eux, ils m'ont dit, bah non, nous, notre référence, c'était Pink Floyd. Et je dis, bah oui, et Pink Floyd aussi. Et voilà. Suivant. C'est ça. C'est celle qu'aura William. Et d'ailleurs, on retrouve ces sonorités des Pink Floyd lorsqu'il joue de la guitare. Enfin, il est capable de tout jouer en vérité. Hein. Il est très humble aussi naturellement, bien plus que moi. et c'est ce qui fait sa force et c'est surtout cette complémentarité qu'on a su trouver tous les deux, voilà, qui est essentielle à l'équilibre du projet aujourd'hui. D'accord, bah super. En tout cas, bah, ça nous donne envie d'écouter ce morceau-là parce que moi je le découvre en même temps que les auditeurs. Donc le morceau s'appelle Théorie. C'est bien ça. Théorie, c'est en français ou en anglais? Alors, c'est en français. D'accord, bah super, c'est bien de... moi, je sais que je suis un amoureux de la langue française. Quand je les chante en anglais, j'aime bien aussi. Voilà, je pense que chaque langue a une sonorité différente. Le coup, c'est de réussir à justement mettre en valeur musicalement chaque langue, voilà. Et il y en a qui... On nous dit souvent, ouais, mais le rock, c'est en anglais. Bah ouais, mais il y en a qui ont réussi à très bien le faire en français. Hein. Il y a des bluesmen aussi qui ont fait du blues en français et ça passe très bien. Donc bon, on demande pas non plus aux gens de faire du flamenco en anglais ou du fado en français. Il y a des choses on préfère les laisser à leur place. Mais le rock français, bah, c'est pas quelque chose de nouveau. Est-ce que vous, c'est du rock? Est-ce qu'on peut qualifier ça de rock? Oui, clairement, ouais, hein, clairement. Et clairement. Puis rock français aujourd'hui. Enfin, moi, j'ai grandi avec La Mano Negra, Noir Désir, Les Béhuriers Noirs. Voilà. Enfin, on écoutera, je crois, un peu plus tard. Tu nous as amené toute une liste de morceaux à écouter. Voilà, d'influence et de ce qu'on appelait anciennement le rock français. Donc, théorie, c'est vraiment dans cet esprit, avec justement des sonorités un peu de Noir Désir, musicalement parlant. Et c'est vrai que la langue de Molière est pas la plus facile à faire parler rock. Je te rejoins là-dessus. C'est entre guillemets plus facile en anglais où le résultat est plus immédiat. Donc ça méritait aussi un exercice d'écriture et de travail de la musique derrière qui a été vraiment une étape importante dans ce projet. Oui. Très bien. Donc on va écouter le morceau qui s'appelle Théorie et le groupe qui est notre invité de cette émission numéro 675. Oh. Voilà, le numéro va rester. J'espère qu'il va vous porter bonheur. C'est le groupe Riptide and Tears et on se retrouve juste après le morceau. Oh, bless up et sois grandi, que la lumière dissipe les mauvais esprits. J'aime, j'aime quand ton visage sourit et que tes yeux expriment la vie, vie sans armes, tel karma, pas de Kama Sutra, sois une ninja, pas de trauma, ni de coma, sois belle, aime-toi, déploie tes ailes et surtout crois en toi. Avance, avance, avance, avance, avance. Avance, avance, avance. Avance, avance, avance, avance, avance. Avance, avance, avance. Avance, avance, avance, avance, avance. Avance, avance, avance. Avance, avance, avance, avance, avance. Dans cette jungle, fais-toi confiance. Pense que les anges sont dans la danse. Ils connaissent la métrique, te protègent, donc réplique. Cette métaphore est technique, reste fort, authentique. Tête haute et sereine, dégage-toi de leur haine, dite merdique. Aime ton prochain, ta prochaine, sans refrain et sans peine. Shalom, paix et salem, danse frère, car nous on t'aime. Juste briser tes chaînes, juste brusquer leur thème, juste priser qu'on s'aime. Pétales de rose et plus de chrysanthème. Avance, avance, avance, avance, avance. Avance, avance, avance. Avance, avance, avance, avance, avance. Avance, avance, avance. Avance, avance, avance, avance, avance. Avance, avance, avance. Avance, avance, avance, avance, avance. Sur le fil du rasoir, père, mère, où va l'histoire, sœur, frère? Où va l'histoire, où est l'espoir, repère? Où est l'espoir dans un trou noir en clair, en terre, en verre? Six pieds sous terre, il sera trop tard. Avance, avance, avance, avance, avance. Avance, avance, avance. Avance, avance, avance, avance, avance. Avance, avance, avance. Avance, avance, avance, avance. Avance, avance, avance. Avance, avance, avance, avance, avance, avance. Avance, avance, avance. Avance, avance, avance, avance, avance, avance. Avance, avance, avance. Avance, avance, avance, avance, avance, avance. Avance, avance, avance. Voilà, on vient d'écouter deux petits morceaux à la suite. On a écouté d'abord nos invités de cette émission numéro 675, les Riptide and Tears, avec un morceau qui s'appelle Théorie, donc qui nous ont déjà présenté. Et à l'instant, on vient d'écouter un invité il y a à peu près un mois. C'est vrai que le temps passe vite. Hein. C'était le 30 février. Axel de la Paix était dans les studios. Et on vient d'écouter un petit morceau bien comme il faut. Donc ça s'appelle Avance, Axel de la Paix. On revient avec nos invités. Alors Riptide and Tears. Voilà, il fallait bien que je bafouille un moment ou un autre. Alors pourquoi vous avez choisi ce nom-là? Et pourquoi pas? La bonne question. La question. Ah, William serait dans l'embarras. Alors déjà, déjà on peut. J'ai on posé peut une le, fois le... la question, je me suis fait engueuler. Alors, non, ouais, pas du tout. Enfin, non, des questions qu'il ne faut jamais, pas poser. Jamais. Non. Riptide, donc contre-courant. Contre-courant, voilà. Oui. Je l'ai traduit parce que je ne le savais pas. Voilà, j'étais sûr. Contre-courant. Alors, Riptide, c'est aussi un morceau d'un groupe qui s'appelle Frustration. D'accord. Et donc c'est un morceau que j'adore et c'est un groupe que j'apprécie particulièrement. Et puis Contre-courant, c'est un peu l'histoire de ma vie et c'est un peu ce que va raconter ce projet Riptide and Tears. Donc j'ai toujours été un peu à contre-courant de ma génération, du style de musique que j'ai pu écouter. Et Tears, bah les larmes. Les larmes. Voilà. Donc le regret. Non, pas ça. J'ai, jamais de regret. Jamais de regret. Jamais de regret. D'accord, alors c'est pas ça. Non, jamais de regret, parce qu'il faut, il faut justement rien regretter de ce qu'on a fait ou en apprendre plutôt de ses erreurs, etc. Donc pas de regret, non, mais plutôt regretter ce qu'on n'a pas fait ou qu'on n'a pas eu le temps de dire. Et donc des larmes, c'est toutes ces raisons qui font que on a des histoires à raconter quand on est musicien aussi. Il y a des larmes de joie. Les larmes, elles peuvent être de joie, elles peuvent être de tristesse. Oui, tout à fait, ouais. Donc les larmes, ça signifie plein de choses. Donc c'est contre-courant et des larmes. Voilà. Très bien, contre-courant et des larmes. Donc Riptide and Tears. Voilà, donc présent dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Alors j'ai eu un petit appel téléphonique tout à l'heure. Bah, c'est justement Didier, mon assistant habituellement, qui est toujours là dans l'émission Mavrica. Alors ce soir, non, il n'a pas pu venir, mais par contre, il écoute l'émission. Il va pas pouvoir écouter tout le temps. Mais il m'a dit voilà, demande-leur quel est leur style, parce qu'on a vu que c'était du rock. On confirme, c'est du rock. Est-ce que vous avez un nom particulier, parce que souvent on dit du rock progressif, alternatif, machin truc. Est-ce que vous avez un mot pour qualifier mieux votre musique? Alors c'est aussi un problème de génération sur la signification de ces mots, Albinos. Oui, ça, ta tout question, à fait. Elle voilà. est compliquée. Donc tout à l'heure tu parlais de d'étiquette, si on doit parler de ça. Moi quand on parlait de rock français quand j'avais 16 ans, c'était tous les groupes dont on a parlé tout à l'heure, Noirdez, La Mano, Les Bérus, Ludwig von 88, ça ça se catégorisait en rock français. Donc il y a ça, il y a du rock français, il y a du rock pop, il y aura du rap une nouvelle fois, donc c'est compliqué de se coller une étiquette. Avant, on regroupait tout ça sous le rock alternatif. Alternatif, ça signifiait autre chose que le rock alternatif d'aujourd'hui. Donc voilà, rock français, rock alternatif. Il y aura des chansons en anglais sur l'album. D'accord. Évidemment, il y a les deux. Il y aura peut-être même de l'espagnol. L'espagnol aussi. Très bien. Voilà, mais on peut pas tout dire ce soir. D'accord, parce qu'il y a des choses qui sont faites, des choses qui sont encore en travail, et d'autres qui sont en projet. Donc il y a pas mal de. Il y a beaucoup de chose. En gros, un album, ça se compose d'environ une dizaine de chansons, on va dire. Au jour d'aujourd'hui, on a cinq choses qui sont vraiment pré-structurées, un deuxième titre prêt à sortir et un clip à venir. On va lancer une campagne Ulule, puisque on fait tout en autoproduction, évidemment. Et donc là, on va faire appel aux gens si notre musique leur plaît. Et puis, l'objet, une nouvelle fois, c'est de faire participer toutes ces et tous ces intervenants qui vont venir sur l'album, qui le font tous avec un grand cœur et un élan de générosité qui est magnifique. C'est juste de l'humain derrière, et ça sera ça le mot central de l'album, c'est l'humanité avec un grand H. D'accord, donc tu vas faire participer des gens. C'est finalement l'album, il va être construit par avec l'aide des gens qui sont intéressés justement par votre projet. Donc il y a déjà un projet qui est fait sur Ulule, tu m'as dit. Oui, qui est pas encore lancé, mais qui va arriver là vraiment dans ça va être l'histoire de deux semaines, je pense, peu près où cette campagne va être lancée sur tous les réseaux habituels, où on pourra participer. Et puis ce qui est très drôle, c'est qu'avec ce premier single, ce premier extrait et ce premier clip, il y a des gens aussi qui ont rejoint l'aventure en cours de route. Et ce qui est génial, grâce à William notamment et à son savoir, c'est que tout à l'heure il parlait de la personne qui a mixé ce premier morceau, qui faisait pas du tout partie du projet, qui a été intéressé, qui a eu la générosité, de faire ce mix pour nous. KVN Films, pour en reparler, Kevin, qui est vraiment venu participer parce que il a accroché en même temps au projet. Donc quand je parle d'humain et d'humanité, c'est ce qu'il y a de merveilleux dans la musique, c'est ce partage, et c'est ce qui est au cœur de l'album à venir. Très bien. Déjà une idée pour le nom de l'album ou? Oui, l'album va s'appeler Zem, parce qu'il rend hommage à mes parents, en fait. Et voilà, c'est aussi l'une des raisons et des larmes et ce qui m'a fait arrêter la musique pendant 5 ans. D'accord. Ok. Tu m'as dit comment? Zem. Zem, E. Zem. Ok, ouais, moi j'étais en train de chercher non, mais c'est mon accent, il était très mauvais. C'est que j'étais pas dans le contexte, j'essayais de comprendre en français. Ouais, mais ça peut être justement un jeu de mots aussi. Zem. Ouais, ouais, donc en anglais. Exactement. Ouais, voilà. Très bien. Ok, d'accord. Enfin, c'est un joli nom, en tout cas pour un album, parce que ça, justement, on se pose la question. Voilà, Zem. Pourquoi Zem? Voilà. Très bien. Donc, 5 morceaux qui sont déjà pratiquement aboutis. Il y a des maquettes qu'on va diffuser aussi dans l'émission. Oui, donc avec des morceaux qui sont pas encore tout à fait terminés. Avec, mais avec l'indulgence, avec ton indulgence en premier lieu, celle des auditeurs. Mais voilà, l'objet c'est de venir aussi avec des cadeaux participer à cette grande soirée que tu nous permets d'organiser, et donc de t'amener quelques petits cadeaux de maquettes qui sont en cours, qui ont déjà été sur lesquelles on a pu travailler, mais non. Rien à voir avec les versions définitives finalement des morceaux qui vont arriver, et surtout on joue un peu de mystère sur l'identité des différents participants aux différents projets, mais il y a déjà beaucoup de choses dans le tuyau et c'est génial quoi, ça prend forme tout le monde nous accompagne et je trouve ça juste énorme. C'est des personnes que j'ai rencontrées dans la musique depuis que j'ai 16 ans. Il y a des gens même de l'étranger qui vont venir jouer sur cet album, parce qu'aujourd'hui la distance nous permet de travailler même à distance. Même à distance, c'est formidable. Hein. Et c'est de pouvoir retrouver les copains de mon premier groupe de rock quand j'avais 16 ans. J'en ai 49 aujourd'hui, donc c'est pour te dire que comme cette refonte se fait, et ça raconte l'histoire d'une vie musicale, cet album finalement. Donc c'est plus qu'un album, c'est carrément une aventure, puisque c'est des rencontres, c'est des souvenirs, c'est plein de choses comme ça. C'est vraiment quelque chose que tu as dans le cœur, que tu as envie de sortir et qui commence à prendre forme doucement. Et ce soir, tu es venu pour nous présenter tout ça. Donc on va peut-être continuer à parler, mais cette fois-ci, on va laisser un petit peu le groupe de côté. Tu vas nous parler aussi un peu de tes influences. Les influences. Nous en parlais déjà tout à l'heure, mais là tu nous as amené aussi pas mal de morceaux, donc on va essayer de les écouter au fur et à mesure. Bien sûr. Alors je me rends compte aussi, et parce qu'on parle d'humains, c'est que moi je parle beaucoup, mais j'aimerais vraiment aussi que William puisse. Le micro est ouvert. William, je passe un bon moment. J'aimerais. Tu interviens quand tu veux, il y a pas de souci. J'aimerais vraiment. Enlève la main de sa bouche là, parce que. Non, parce que William, laisse-le parler. Je sais qu'il est souvent plus à l'aise avec une guitare, mais je voudrais vraiment que William nous raconte un peu son cursus et ses projets à lui et qui il est et voilà, parce que c'est un mélange de nos deux aventures et je crois que la sienne a vraiment m'a apporté tellement il m'a apporté tellement que j'aimerais qu'il puisse exprimer lui qui il est et ce qu'il fait. D'où vient-il, que fait-il, où va-t-il? Où va-t-il? Où vais-je? Où vais-je? Dans quelle étagère? Bonsoir William. Bonsoir. Alors William, toi tu es musicien, tu as été dans l'école de musique toi, hein, Tout à fait. À la base je suis complètement autodidacte, hein. J'ai appris la musique tout seul il y a très longtemps et depuis toujours ce qui m'a toujours animé c'est de créer des choses, d'écrire, de composer. Et de pas spécialement jouer parfaitement comme un autre, mais plutôt essayer de trouver quelque chose qui me correspond, de pas être dans la démonstration ou la recherche de performance. Et c'est toujours quelque chose que j'ai séparé de la musique. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de bien jouer, de bien comprendre du mieux que je peux pour pouvoir créer des choses qui m'intéressent et avoir suffisamment de vocabulaire ou de couleurs pour pouvoir explorer plein de styles musicaux. Et donc, c'est toujours ce qui m'a intéressé. Et donc t'es plus dans l'émotion, partage, dans ce que tu peux amener aux gens, plus que dans la technique, parce que moi j'ai une image que je cite assez souvent dans l'émission, c'est par exemple le virtuose qui va faire 50 accords en peu de temps, et ouais, c'est bien, Mais bon, il n'y a pas d'émotion. Il n'y a pas d'émotion parce que c'est, c'est un truc, finalement, c'est pour les musiciens, quoi. Ça ne s'adresse pas aux gens qui ne vont pas ressentir la musique directement. Et à contrario, le bluesman qui a quatre accords, qui nous fait un morceau de, de quatre minutes, mais les quatre accords, il les pose d'une manière et puis il met une émotion là-dessus. Et là, on reste, voilà. Donc, je pense que c'est plus là-dedans que, que tu te retrouves. Voilà, c'est ça. J'aime les choses simples, mais aussi les choses élaborées, mais. Oui. Oui, parce que tu as la technique quand même. Et j'ai longtemps composé pour moi-même. Et c'est arrivé petit à petit il y a quelques années de commencer à composer pour les autres. Au début, c'était avec une chanteuse qui faisait de la chanson française. Ensuite, j'ai fait plusieurs choses, un peu de R&B, etc. Et j'ai vraiment pris du plaisir à travailler avec des gens, à aussi, comment dire, mettre les compétences musicales que j'ai au service d'un artiste, d'une chanson, de tout ça. Donc ça m'a toujours beaucoup plu. Et puis voilà, on s'est rencontrés par hasard avec Christophe. On a fait un ou deux concerts ensemble. Et puis on est restés amis depuis un long moment, jusqu'à ce qu'il me demande un petit coup de main pour son album. Et du coup, j'ai accepté avec grand plaisir. Donc voilà, on a commencé à se mettre sur la composition de l'album et donc voilà, aujourd'hui on en est là et c'est cool, ça avance bien. Mais t'as d'autres projets en parallèle qui sont quand même dans professionnels et tes projets perso. Donc je fais du je suis beatmaker aussi, donc je travaille avec un rappeur qui fait du hip-hop qui s'appelle Ilias Black, qui est un super artiste. Aya aussi, des Soul Alchemist, avec qui on va bientôt sortir des choses, qui est une jeune chanteuse qui est incroyable. Donc voilà, j'aime travailler avec des gens et je joue aussi dans le groupe Element qui fait du rock progressif. On va bientôt sortir un album, des clips, plein de choses. Très bien. Peut-être qu'on viendra en discuter un jour. Avec beaucoup de plaisir, ouais. Mais voilà, beaucoup de. On se calme une date et vous venez ici. Il n'y a pas de souci, ouais. Il n'y a pas de problème. Mais voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire des choses qui ont du sens pour moi, en fait. Mmh. Avec des gens qui sont passionnés, qui sont pas, qui font pas de la musique pour le plaisir, mais plutôt par nécessité. Donc c'est aussi ça qui me plaît dans la démarche de Christophe, c'est que je sais que ça représente beaucoup cet album, ses compositions, et aussi de faire les choses correctement, de pas juste enregistrer une guitare vite fait, mais de se dire là on va essayer de faire un truc sérieux, propre et qui reflète au mieux possible les émotions, les thématiques des morceaux, etc. Et voilà, pour l'instant ça commence à être pas mal. Et t'es quand même moi, je vois toute l'humilité dont il fait preuve derrière son micro pour répondre à cette question, parce que William a quand même des expériences de scènes importantes, de collaboration avec des artistes aussi de renommée internationale. Je sais pas pourquoi il en parle pas là. Mais, il est modeste. Il est très modeste. Voilà, c'est quand il explore différents univers musicaux aussi. Il parlait d'IDS au niveau du rap. Et Daya qui a une voix magnifique, des projets qui vont arriver. Elements, il est un peu plus qu'un musicien dedans. Il compose, il écrit, il fait les textes, et c'est du rock progressif, donc c'est encore une autre dimension. Et quand je parle d'artistes internationaux, Wendy King, donc qui est le roi du rap créole. Et il était question que super. William, un truc différent, quoi. Et William de je finis pas ma phrase. Mais bon, oui, voilà, William est vraiment plein d'humilité, et c'est aussi ce qui crée notre connexion avant tout, parce qu'on a un regard de différents âges sur les choses, mais qui finalement semble aller dans la même direction, et c'est agréable de sentir cette espèce de passation, hein, de passation, ça c'est pas humble de le dire, mais voilà, on a cet esprit de transmission, nos échanges, on s'apprend des choses par un simple regard, par de simples notes de musique, et on est en symbiose, et ça c'est assez rare dans la musique, voilà, pour pouvoir l'évoquer, et c'est notre ressenti systématique quand on fait de la musique ensemble, et là l'objet de cette émission, c'est qu'en fait, on se disait, on ne sait même pas exactement quel va être le programme, et c'est de se dire, c'est comme un vendredi soir à la maison quand on se retrouve et de vous faire participer à ça dans notre univers. C'est un petit peu le but de l'émission Mavrika. Hein. Moi, je reçois des gens ici. Alors, c'est vrai que je reçois des groupes plus ou moins célèbres. Je reçois des professionnels, des amateurs, des gens qui font de la musique dans leur chambre, mais ils ont quelque chose à défendre. Et des fois, on fait des super émissions avec des groupes que finalement vous allez jamais découvrir dans des grandes scènes, mais qui font ça avec passion. Et c'est important de pouvoir leur donner aussi la parole sur nos radios. C'est notre rôle, hein, nous radio indépendante. Hein, on va dire ça comme ça. Merci pour ça. Et c'est un grand plaisir. Et à côté de ça, on a aussi des professionnels, des gens qui viennent ici régulièrement, des gens qu'on aime depuis longtemps, qu'on apprécie. Et qui sont, j'ai remarqué, les professionnels qui font ça pour leur plaisir depuis des années, en même temps, ils sont très humbles aussi. Ça, j'ai pu le remarquer. C'est le sujet un peu d'une discussion. Il y a des gens qui ont besoin de se mettre en valeur, tout ça. Ils disent moi je. Et puis finalement, une fois qu'on les connaît, au bout de quelques temps, on s'aperçoit que c'est du vernis derrière, il y a rien du tout. Et inversement, il y a des gens, des fois qu'on est là, on les apprécie pour ce qu'ils sont. Et on s'aperçoit que c'est des gens encore plus grands que ce qu'on peut voir. Parce que, après, on découvre, il a joué avec un tel. Ah, il fait ça. Mais par contre, il s'en est pas vanté du tout. Donc voilà, les gens sont comme ça. Il y a plusieurs facettes. Et moi, j'aime bien les gens qui sont authentiques et qui viennent, et finalement découvrent qu'ils ont plein de choses à nous dire. Mais des fois, il faut aussi un petit peu aller les chercher. Donc, c'est un petit peu le but de l'émission. On est là pour dévoiler un petit peu son petit jardin privé et puis nous parler. Bah, c'est ça. Les artistes, c'est ça. C'est quelque chose, c'est un rêve. C'est quelque chose qu'ils ont en eux, qu'ils ont envie de partager. Ça leur fait plaisir. C'est leur endroit où ils sont bien comme il faut. Ils ont envie de le partager avec d'autres personnes. Et c'est ça la chose la plus importante, hein, dans l'art et dans la culture. Pour rebondir sur tes propos, j'ai eu l'occasion dans ma vie professionnelle de rencontrer différents artistes et de pouvoir passer des moments privilégiés avec eux. Pour en citer quelques-uns, Bob Geldof ou Lenny Kravitz, j'ai passé des journées avec eux. Et c'est systématiquement les plus grands qui étaient les plus humbles. Ouais, justement. Moi j'ai pu remarquer ça. Et qui savait, ben justement, moi j'avais 22 ans, et c'était une expérience de rêve, hein, de pouvoir rencontrer ces gens-là et d'avoir vraiment des moments privilégiés avec eux sur une journée complète, de partager un petit moment de leur vie et de se rendre compte à quel point ils étaient humains. C'est ce que j'aime le plus. Moi. Le facteur humain, c'est quelque chose de très. Et à l'inverse de d'autres célébrités, oui. qui pour le coup le sont beaucoup moins, avec beaucoup moins de notoriété. Et je crois que c'est ce qui fait l'essence même d'un grand artiste de ces renommées-là, c'est de systématiquement avoir ce point commun, qu'il s'agisse du plus grand footballeur du monde ou du plus grand musicien du monde, ils ont toujours cette humilité en commun. Et ça, c'est une leçon qu'ils ont tous pu me transmettre, justement. Ça, c'est important ce que tu dis, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que je ressens moi aussi en recevant plein d'artistes ici. Et c'est vrai que j'ai eu la chance, on en parlait encore tout à l'heure avec une autre personne, voilà, il y a des gens qui me disent ouais, j'aime bien telle personne, etc. Tu sais que j'ai eu la chance de pouvoir l'interviewer à un moment. Ah bon? Ah ouais. J'ai dit, bon, t'as eu cette chance-là? Bah écoute, ça s'est passé naturellement. On a discuté, on s'est dit, tiens, on se cale un interview, on a fait des interviews, et ça s'est bien passé. Et puis je suis content de dire, voilà, j'étais présent à un moment. Et en plus, moi, dans l'émission Mavrika, t'as pu le remarquer, il n'y a pas de vouvoiement, c'est le tutoiement. Pourquoi? Parce que c'est pas un manque de respect, c'est simplement, ça nous rapproche beaucoup plus. Et moi, j'ai pu tutoyer certaines célébrités, et je suis content, parce qu'on a partagé un bon moment, et eux aussi m'ont tutoyé, voilà, il y en a certains même, ils s'en souviennent encore quelques années après, et je trouve ça super sympa, quoi. Des fois, j'ai des petits retours, on me dit, tiens, il y a un tel qui te passe le bonjour. Et tu te souviens, tu l'avais interviewé? Je dis, bah oui, je m'en souviens, moi. Mais le fait que eux se souviennent, ça me fait plaisir aussi, voilà. Bah, tu vois, moi, je t'ai pas oublié depuis les 7 ans qui séparent nos deux émissions. Bah oui, parce qu'on s'est recontacté, et puis, tu m'avais envoyé aussi des morceaux de KTS, des nouveaux, là, un peu plus récents. Je vais fouiller, on va essayer d'en trouver aussi pour les diffuser dans l'émission, avec grand plaisir. voilà, et je les salue, parce que je sais que certains sont derrière leur écran et leur radio ce soir. Très bien. On continue un petit peu en musique. Donc on continue en musique. Oui, on chante un truc ou pas, non? Ah, tu veux chanter tout de suite? Tu veux chanter tout de suite? À limite, non, un petit disque. On passe un petit disque, le temps de se mettre en place pour pouvoir caler les micros et tout ça. Et oui, je me proposais de partager mon premier 45 tours à une époque où juste avant le manche-disque, moi j'avais un vrai. On va expliquer pour les jeunes générations. À une époque, pour écouter la musique, on avait des galettes noires. C'est ça. Avec un trou dedans. C'est ça. Il y en avait qui étaient très grandes et d'autres qui étaient plus petites. Les 45 tours, c'était les petites où il y avait un seul morceau. Exactement. De chaque côté. De chaque côté. Et du coup, moi, j'ai pas de frères et sœurs, donc ma première occupation, ça a été la musique, grâce à ce tourne-disque qui était même pas un manche-disque. Et il y a une émission à l'époque qui s'appelait Les Enfants du Rock. Ah oui, plein de choses. j'ai pu regarder très tard. Et voilà, je voulais simplement partager avec vous ce soir mon premier 45 tours, parce qu'avec mon premier argent de poche, du haut de mes 5 ans, j'ai décidé de m'acheter un disque qui s'appelait Gabi Oh Gabi de Alain Bashung. Et voilà. Ça a été une référence, mon tout premier 45 tours à 5 ans. Et déjà, on pouvait dire des gros mots, donc ça expliquait quelque chose du rock'n'roll, cette espèce d'insoumission. Je pense que c'est ça qui m'avait plu naturellement. Mais en tout cas, voilà, je t'ai ramené ce morceau. Je me dis que c'était bien pour raconter un peu tout ce qui me propose. Ça nous fait plaisir d'écouter la voix de ce grand homme, hein, Alain Bashung, qui est passé, qui a une carrière qui a été malheureusement trop courte, mais qui par contre encore aujourd'hui influence les jeunes artistes. Et les œuvres qu'il nous a laissées, elles sont impérissables, et on va en écouter une tout de suite. Gabi Oh Gabi, Alain Bashung. Voilà, on revient dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. On vient d'écouter deux morceaux à la suite, hein. Donc, c'est des artistes que malheureusement j'ai pas eu la chance de recevoir dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Mais à l'instant, on vient d'écouter. J'écris Small Town Boy, j'écris Samantha Ball. Bon, on va enlever l'essentiel est là. Voilà, parce que sur le Facebook de l'émission Maverick, on peut retrouver le programme avec tous les morceaux qu'on aura diffusés dans l'émission. Donc ça peut être important pour justement découvrir des morceaux. Bon, ce morceau-là, je pense que tout le monde le connaît, Small Town Boys. Donc c'était les Blondes qui Beat. Donc un morceau qui ne vieillit pas. Qui ne vieillit pas. Qui était précurseur. Je te parlais tout à l'heure d'avoir grandi avec Alain, pour le nommer, c'est mon oncle, mon grand frère. Et donc on a 10 ans de décalage et lui m'a amené dans tout cet univers de New Wave, des Cure, de Depeche Mode, enfin tout ce qui composait les années 80. C'était révolutionnaire à l'époque. Aujourd'hui ça fait partie des musiques que tout le monde connaît, mais à l'époque on découvrait ça en direct, quoi. Donc, et je le voyais avec ses badges de cuisson vapeur, et en fait j'ignorais ce dont il s'agissait. C'était l'emblème des Cure, et pour moi ça a été une révélation. Je partais dans sa voiture, et voilà, c'était vraiment une époque, et c'est tout ce qui me constitue aujourd'hui. On parlait d'univers rock français, new wave, punk, ska, et c'est notamment grâce à lui je lui serai éternellement reconnaissant. Moi j'ai grandi avec Brel Brassens, que j'ai vu en photo là dans ton studio, et Johnny Hallyday avec mes parents, et puis il y avait ce divertissement grâce à mon oncle Alain, et qui m'a fait découvrir de nouveaux univers et m'a fait mettre un pas vers le rock'n'roll sous toutes ses formes. D'accord. Donc ce morceau-là, Small Town Boys, c'est vrai que c'est à l'époque quand il était sorti. Tu vois, ça fait partie des morceaux que j'adorais à l'époque et que j'adore toujours aujourd'hui. Il y a des morceaux qui sont inusables. Il y en a certains, à force de les écouter, on dit ouais, bon, ça correspond à une époque, j'aimais bien. Ouais, mais bon, aujourd'hui, on le passe à autre chose. Celui-là, même si on regarde bien, il est mixé, remixé. C'était une révolution. Il transmettait un message déjà important. Oui, déjà. Voilà, il y a certains messages qui ont traversé l'histoire, et ils ont été précurseurs aussi. Les Bronze Key Beat, Jimmy Somerville. Mm-hmm. On reparlera tout à l'heure de Nirvana, qui est arrivé avec un nouveau style musical. Il y a des gens comme ça qui sont intemporels, qui le resteront et qui traverseront l'histoire, comme Brel Brassens ont su le faire aussi à leur époque. Voilà, très bien. Donc c'est bien de nous parler de tous ces gens-là, parce que c'est des influences qu'on a. C'est avec ça que tu as grandi, c'est avec ça que tu as appris et que tu as eu envie de faire de la musique. Tous ces grands hommes, et c'est vrai que les gens les plus humbles citent beaucoup d'autres personnes. Et moi j'ai remarqué dans l'émission, il y en a certains, ils ont l'impression que ils ont tout inventé, et il y en a d'autres non. Et voilà, ils se disent, moi si je suis ce que je suis, c'est grâce à lui. Et donc ça, c'est quelque chose qui est bien, quoi, de dire voilà, on grandit grâce aux autres personnes, grâce aux rencontres et tout ça. C'est vraiment ça. Il y a Balavoine qui est une grande influence pour moi, clairement. Et puis tous les groupes que j'ai cités tout à l'heure en rock français, différents univers. On a eu la chance aussi, je pense, hein, c'est ce qui est peut-être un peu différent aujourd'hui, mais de connaître différents courants musicaux. Ouais. Et des naissances de nouvelles musiques qui ont été des vraies révolutions. Je pense à Radiohead, à Muse, à Nirvana, à cette vague grunge qui est arrivée dans les années 90, qui m'ont éloigné un peu de la musique punk où chaque adolescent pouvait se retrouver, et qui ont continué de m'accompagner. Bon, la majorité aujourd'hui ont disparu. Je pense à Chris Cornell, à Kurt Cobain, mais voilà, c'était des voix. Déjà, quand on parle de voix dans le rock'n'roll, je pense que le dernier existant, ça doit être Eddie Vedder de Pearl Jam, mais à part lui, aujourd'hui, en termes de voix de rock'n'roll, il n'y a pas grand-chose qui s'est en mon sens, produit. Aujourd'hui, il y a les vocodeurs et tout ça. Voilà, donc, il n'y a pas grand-chose qui soit produit depuis et resteront des références éternelles. Et puis, un live MTV de Nirvana, tout le monde s'est essayé à l'exercice, mais n'a jamais pu arriver à reproduire la grandeur de ce que représente cet album pour les gens de ma génération aujourd'hui. Quoi. C'était une révolution, vraiment. Et le rock'n'roll, ça a à voir avec ça, hein, avec une révolution. Il y a eu plusieurs courants comme ça. Et bon, le rock'n'roll, il vient du blues, etc. Il y a eu plusieurs musiques qui ont donné naissance à ce courant-là. Et le rock'n'roll, comme on l'appelle aujourd'hui, c'est pas le rock. C'est il y en a plein des rocks différents. Il y a plein d'influences et puis il y en a certains qui ont amené un certain style, d'autres qui ont ramené un autre style. Ils l'ont fait évoluer. Des choses qu'on pouvait pas se permettre dans les années 60, qu'on a pu se permettre dans les années 70. Dans les années 80, on avait l'impression d'avoir fait le tour, et puis finalement, non, il y a encore des groupes qui ramènent quelque chose, et ainsi de suite. Et puis même d'autres années qui étaient un peu moins connues, tu parlais tout à l'heure des années 90, qui n'étaient pas forcément les meilleures années du rock, mais il y avait des très bonnes choses, hein, les news, etc. Certains donc voilà, un titre qui reste voilà gravé dans la mémoire collective, et c'est pas un hasard en mon sens. Je vois que William est impatient, il a parti. William, parce que on s'était mis un peu en configuration, on s'est dit tiens, on met deux morceaux et après derrière vous allez jouer. Mais là on est en train de papoter, puis William il commence à s'impatienter un petit peu et il fait un petit rappel à l'ordre. Enlevez-moi la guitare. Alors moi ce que je vais faire, je vais enlever ma voix parce que moi je sais rien et je vais vous laisser l'antenne et là vous y allez. Vous envoyez. Là on y va. On y va avec une exclue d'un morceau qu'on a finalement peu joué. Qu'on a amené ce soir, on va l'essayer. Allez. Je bois la vie à la mort, l'auberge des trépassés. Rien à faire contre le sort en moi, le sang glacé. Sans conscience ni repos avec les oubliés, même les Golgothes en haut doivent être désespérés, dis-moi. Mais dis-moi, dis-moi pourquoi. Mais dis-moi, dis-moi. La vie, c'est ça. Je vois la vie à la mort, le berge des trépassés. Rien à faire contre le sort, moi, le sang glacé. Conscience ni repos avec les oubliés, même les Golgothes en haut doivent être désespérés. Dis-moi, mais dis-moi, dis-moi pourquoi, mais dis-moi, dis-moi. C'est ça. Je vois la vie à la mort, le berger s'est passé. Rien à faire contre le sort, moi le sang glacé. Conscience ni repos avec les oubliés, même les Golgothes d'en haut doivent être désespérés. Dis-moi, mais dis-moi, dis-moi pourquoi, mais dis-moi, La vie, c'est ça. Thank you. C'est énorme. Voilà, en direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, c'était le groupe Riptide and Tears en direct live. Et puis il y a un morceau qui part, je sais pas pourquoi, enfin c'est comme ça. En direct live, un morceau interprété vraiment sans vocodeur, sans aucun artifice. C'est vraiment, vous avez joué sans filet, quoi. Comme à la maison, sans filet. Comme à la maison, voilà. Donc une guitare, deux voix et tout était là, quoi. L'émotion était là, en tout cas. Bravo, en tout cas, pour votre interprétation en direct live. Alors je me regardais un petit peu parce que pendant que je fais l'émission, Mavrika, il y a aussi, je suis aussi connecté sur Facebook où je mets le programme justement de tous les morceaux qui sont diffusés. Donc je viens de mettre que le morceau, c'était un morceau en direct live qui s'appelle Golgoth Trépassé, c'est ça, hein? Tout à fait, c'est ça. Voilà. Et depuis tout à l'heure, j'avais pas du tout. Je me dis, tiens, il y a personne qui est connecté. Comment se fait-ce? Et apparemment, si, il y a des gens qui ont déjà mis plein de petits trucs. Sauf qu'on n'est pas forcément averti. Donc le groupe Raskas qu'on a diffusé tout à l'heure, donc c'est des copains, c'est des amis, c'est des gens qu'on apprécie beaucoup, qui me souhaitent une bonne émission. Claire Basse, Bassbat, qui fait partie du groupe, vous la connaissez? On la connaît, ouais. Tout le monde la connaît. Je pense qu'on se connaît via Facebook, ouais. Ouais, donc Claire qui est la bassiste du groupe Deep Turtle. Deep Turtle, oui, c'est bien ça. Deep Turtle, parce que à force on s'en mêle. Deep Turtle et qui est aussi un des membres de Recto Verso qui jouera demain justement au concert organisé par l'association Mavrika. Donc il y aura Recto Verso et il y aura aussi Swin Camille. On en parlera tout à l'heure aussi si on veut développer. Donc Claire qui écoute régulièrement l'émission, qui envoie régulièrement un message. C'est Géraldine de The Last Magic Doors, un groupe de Montargis, je sais pas si vous connaissez aussi, mais en tout cas elle nous écoute souvent, elle nous envoie souvent un petit message aussi, et puis c'est un groupe que j'ai reçu dans le courant de l'année 2025 et ils reviennent dans nos studios quand ils veulent, parce que franchement c'est un groupe que j'ai beaucoup aimé. Le groupe Barricade que vous connaissez peut-être, oui, aussi Barricade, voilà, Barricade, parce que on les a croisés, ils m'ont dit beaucoup de beau monde dans cette émission, comme d'habitude, amitié, donc merci Barricade, voilà, donc c'est des gens qu'on apprécie, qui se manifestent comme ça, ça me fait plaisir de faire une émission où il y a des gens, et puis après si on regarde bien il y a aussi des gens qui nous mettent juste un petit pouce en l'air pour dire voilà, c'est bien ce que tu fais, donc Claire, Pascal qui fait partie des Uncle Bikers, un groupe de Paris, de Géraldine de Magic d'Or, Christophe qui fait partie des Barricades, on vient d'en parler, Antoine qui fait partie des Red Daff, Florent qui est notre podcasteur. Les Red Daff. Les Red Daff, c'est comme les aussi. Ouais, et puis ça fait un petit moment que je n'ai pas diffusé un petit morceau, ça me ferait plaisir d'en en diffuser un aussi. Et comme on est à Orléans, je voudrais embrasser aussi chaleureusement les Substellars et Substellars qu'on a eu l'occasion, enfin que j'ai eu l'occasion de rencontrer sur des scènes partagées, on s'est croisés à différents événements, donc je les embrasse bien fort et j'adore leur musique. Substellars que j'ai eu la chance de voir plusieurs fois aussi en concert, c'est vraiment, et on s'est dit on va se caler une date, et on s'est jamais calé une date, ils sont jamais venus dans les studios, et pourtant c'est vrai que j'apprécie bien. Il faut absolument la caler, parce que c'est un groupe magique, et d'ailleurs peut-être qu'on aura des surprises avec les Substellars sur l'album à venir. Ah d'accord, il y a peut-être une intervention, quoi. On ne sait pas. Très bien. Donc Christian Lecor qui est de Paris, Bruno Bauer aussi, le groupe Raskas, le groupe Barricade. Tiki, oui, je sais qui c'est, je l'embrasse bien fort. C'est quelqu'un Tiki, que je savais pas, mais si toi tu connais, voilà, le monde est petit. Laetitia, c'est une amie en effet, je l'embrasse bien fort. Merci pour ce petit cœur, Laetitia. Donc on remercie tous les gens qui sont intervenus sur le Facebook, tout simplement. Ça nous fait plaisir de voir qu'il y a plein de gens qui nous écoutent et puis qui nous encouragent à faire cette émission. Donc voilà, ici c'est l'émission où on reçoit les artistes, les meilleurs artistes de la région. Hein. Il faut quand même le dire, il y a une sélection, hein. On prend que les meilleurs. Hein. Donc si vous êtes là, c'est qu'il y a une raison. Très bien, donc première interprétation en direct live de ce morceau-là. Vous voulez en parler un petit peu de ce morceau-là ? Oui, on peut, mais on va pas le faire. Tout à l'heure, on parlait justement de catégories musicales et je trouve que c'est intéressant parce que ce morceau il est vraiment différent des autres et il a une touche acoustique qui est particulièrement intéressante avec un petit côté chanson de marin que j'aime beaucoup, moi. Voilà. Voilà, le code prépassé, quoi. C'est ça. Et bon, ça raconte quelques histoires de larmes, évidemment, comme une chanson de marin. Mm-hmm. Mais on parlait tout à l'heure aussi des participants. Et là, sur ce morceau, on aura une flûte irlandaise interprétée par quelqu'un de renom qui est saxophoniste ténor. Donc, il y aura un mélange de cuivre sur ce morceau en particulier de cuivre. Sax ténor, sax alto et flûte irlandaise pour accompagner. D'accord. Ça doit être chanson de marin. Un petit côté un petit peu celtique et tout ça, exactement. comme qu'on aime bien. Et c'est vrai qu'on parle du rock and roll et tout ça, mais c'est vrai que la musique irlandaise a amené beaucoup aussi dans le rock and roll qu'on connaît aujourd'hui. Les Pogues. Les Pogues, entre autres. Et même si on se souvient bien, même AC/DC avait une cornemuse au départ, tout etc. Donc voilà, la musique celtique, c'est une musique qui est appréciée au niveau mondial et qui s'est mélangé aussi avec le rock, la musique des États-Unis, la musique qui est revenue aux en Angleterre. Il y a eu tout un mélange, tout un tas de trucs comme ça qui et permet c'est, de. C'est une musique de pirates et les pirates seront toujours des pirates. D'accord. Ok. Non, mais donc il y aura le côté chanson de marin, musique un peu irlandaise et en plus, moi je trouve que vos deux voix elles sont bien complémentaires et ça va super bien ensemble. Ouais. Et c'est vrai que c'est un travail qui est pas toujours évident hein, parce que des fois pour que les deux voix aillent ensemble c'est tout un travail, ça se fait pas forcément naturellement donc mais c'est ce qu'on t'expliquait tout à l'heure, c'est que William est très humble mais je peux chanter n'importe quoi, il va sortir exactement la note en face qui va bien, il va savoir quoi faire avec sa guitare, il va savoir quel arrangement et quelle note poser sur un autre morceau un peu plus orchestral qu'on a également dans le tuyau, donc c'est ça notre complémentarité. Oui, puis ce qu'il faut savoir c'est qu'on a aussi beaucoup préparé cette émission, on a beaucoup répété donc forcément on entend le résultat, c'est ça le travail qui paye hein. Ce qui est totalement faux puisque on n'a pas pu se croiser depuis un mois évidemment. Quelque part en même temps c'est un exercice différent de ce que vous faites habituellement quoi. Mais c'est la radio il y a pas tant en non fait, pas tant que ça quand on se voit, quand on joue ensemble c'est souvent guitare de voix, c'est souvent à l'arrache mais naturel quoi, c'est pas trop cadré, pas trop calé et c'est ça ce qui fait partie de l'émotion aussi puisque on a échangé quelques regards en interprétant le morceau mais on l'a très sincèrement pas répété du tout depuis le siècle dernier donc voilà on s'est dit qu'on venait là sans filet, c'est un vrai exercice de rock and roll. Non mais en même temps on voit que c'est vraiment une grande complicité entre vous hein, pour réussir à faire un morceau comme ça alors que vous l'avez très peu répété. Donc en tout cas c'était vraiment très bien interprété et merci. C'est vraiment un grand merci. Plaisir de vous avoir écouté et de vous avoir diffusé, voilà. Merci. Très bien, il y aura d'autres lives, il y aura certainement un autre live parce qu'on avait fait un fil conducteur mais je vois qu'on est un peu pris ouais, par, non mais le fil conducteur on part comme ça et après on se débrouille déjà il faut qu'on fasse théorie en acoustique. Ah oui, théorie en acoustique. Ah bah oui. Et alors là, ça c'est le genre de défi du mais vraiment. Là, il bégaye. Qu'on n'a pas préparé, c'est-à-dire vous faire pour la première fois de notre vie. Le morceau qu'on a écouté en tout début d'émission et qui est le premier single, il me met au défi en live d'en faire une version acoustique. Cap ou pas cap? Donc je ne sais pas si on doit relever le défi albino ou pas, mais je pense que oui, t'as pas vraiment le choix. Hein, c'est bien mon sentiment, mais je suis en stress complet, je déteste quand il me fait ce genre de coup. Ce qu'on va faire, le temps que tu te prépares, on peut envoyer quelques morceaux aussi, parce que tu nous en as amené plusieurs, ça serait bien qu'on avance un petit peu dans la liste. Évidemment. Le suivant, c'était. Moi, j'écouterais bien. On peut sauter une étape parce que je voulais parler du rap de mes 13 ans avec le plus beau texte de rap de tous les temps qui s'appelle Laisse pas traîner ton fils de NTM. Mais ouais. Je pense qu'il va nous falloir passer cette étape avec un morceau qui s'accorderait bien à mon humeur actuelle qui s'appelle J'ai peur des beurriers noirs. D'accord. Je pense que ça serait bienvenu. Oui, je pense aussi. Ouais. je vois où tu vas en venir. Très bien. Bah écoute, c'est vrai que tu nous en avais proposé plusieurs. Il y en a certains qu'on n'aura pas le temps de diffuser. C'est ça. Mais les birreriers, c'est quand même quelque chose. Et puis en plus, ils ont tout à fait leur place dans l'émission Maverica. Pourquoi ? Parce que il y a des groupes comme ça qui tournent, des vrais professionnels, des gens qui remplissent des salles incroyables et qui jouent super bien et tout ça, qui sont reconnus et qui ne sont pas assez diffusés dans les radios. Et nous, sur Radio Arc-en-Ciel, on est là justement pour diffuser tous ceux qu'on a peut-être un petit peu trop oubliés dans les autres radios, parce qu'ici, ils ont toute leur place à partir du moment où ils ont quelque chose qui chante avec leur cœur. Et c'est le cas pour ces artistes-là, en tout cas. Les Birreriers Noirs, avec un morceau qui s'appelle « J'ai peur ». Thank you. la ronde de nuit. À la place d'Italie. Dans tout Paris. C'est la ronde de nuit. Bébert et Wally. Dans les studios de Radio Arc-en-Ciel après une petite série musicale. Alors on a écouté plusieurs groupes hein, malheureusement qui ont jamais eu la chance de le recevoir dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Il s'agit des Berruriers Noirs avec un titre qui s'appelle J'ai peur et la Mano Negra avec Paris la nuit et juste le groupe après. Par contre, c'est un groupe qui est venu dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, c'était il y a 15 jours exactement, le groupe Modern avec Your Own Way et c'était la version enregistrée dans les studios de Radio Arc-en-Ciel puisqu'ils ont interprété les morceaux dans je suis en train de regarder en même temps de ce qui se passe de ce côté dans l'émission. Donc voilà, c'était la version Mavrika Your Own Way et je pense qu'on va la réécouter dans les prochaines émissions hein. Voilà, ils nous ont laissé leurs enregistrements studio mais il y aura cet enregistrement Mavrika qu'on diffusera avec beaucoup de plaisir. On revient dans les studios de Radio Arc-en-Ciel puisque là il y a du changement de plateau nous avons pour cette émission numéro 675 je vais monter les micros, voilà, on va monter les micros parce que ça y a une mise en place. Alors jusqu'à présent donc le groupe Riptide and Tears est présent dans les studios de Radio Arc-en-Ciel pour cette émission numéro 675 et tout à l'heure on a eu droit à un morceau en direct live et puis là je crois qu'il va en avoir un autre. Alors jusqu'à présent on a entendu la guitare de William, la voix de William et la voix de Christophe et là il y a deux guitares donc c'est pour ça ça se complique un petit peu. Donc on va essayer de caler bien tout comme il faut pour avoir un son à peu près potable. Et vous allez faire un cover, c'est ça? On va faire un petit cover. On s'est dit que c'était peut-être C'est juste pour le plaisir, en fait, parce qu'on est chez toi, on se sent libre, on se sent bien. Alors, on s'est dit que du coup, on allait faire un... C'est le but, hein, c'est que vous vous sentiez bien, justement, pour nous montrer vraiment de quoi vous êtes capable, hein, et ça va être le cas donc maintenant. En direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, une interprétation d'un groupe qui s'appelle... Muse. Ouais. Ah bon, je connais pas. Ah bon? Mais si, je connais très bien. Muse. Je plaisante, bien sûr. Alors, ça s'appelle comment? Ça s'appelle Undisclosed Desires. D'accord, très bien. On va l'essayer, hein. On va l'essayer. Et une nouvelle fois, c'est sans filet, puisque on l'a vraiment jamais joué ensemble. J'ai même pas les accords. Et il a même pas les accords, William. Donc, voilà. On l'a tenté. C'est ça le rock'n'roll. Voilà, en direct live, une interprétation. Donc, c'est quoi le titre? Parce que j'ai pas Undisclosed Desire. Undisclosed Desire. Voilà. Exactement. Donc, le morceau, par contre, j'ai reconnu tout à fait. Donc, c'était Muse. Donc, reprendre un morceau comme ça, c'est pas évident. Et vous l'avez fait sans, sans même répéter. Vous avez dit, tiens, on se lance là-dessus, on fait ça. Et... C'est ça. Voilà. On s'est glissé un mot. Au feeling. Au feeling, mais ça, c'est, l'objet c'est vraiment ça quoi. C'est là typiquement tu viens d'assister à ce qui a créé notre symbiose et notre duo et ça pourrait durer des heures en fait. Donc merci pour l'exercice. Alors là, j'ai été impressionné parce que depuis que qu'on a la nouvelle console, hein, donc ça fait déjà quelques temps, tu es celui qui en voit le plus fort au niveau de la voix. Alors là, j'ai dû baisser incroyablement parce que vraiment j'ai dû baisser le gain comme c'est pas possible parce que tu en vois vraiment une puissance sonore au niveau de la voix incroyable, Christophe. Voilà. Je sais, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème, Albino. Tu as tout à fait raison. Et pour te dire, j'étais vraiment dans la retenue. D'accord. on va faire théorie pour un concert. Quand tu fais un concert, il n'y a pas de micro. T'as pas besoin de micro. Et en fait, oui, je crois que c'est un peu ma particularité musicale. C'est en effet de faire plutôt monter les aiguilles vers le haut. Et je le dis avec beaucoup d'humilité parce que les ingénieurs du son ont beaucoup de mal à me suivre. Ouais. Ouais, après il faut trouver la bonne distance par rapport au micro. C'est très explosif, quoi. Ça peut être. Ah ouais. Ouais, effectivement. Donc ça surprend. Imagine-moi dans mon studio en mode. Ok, on enregistre, c'est parti. Ouais. C'est bien là. Et là. Ouais, Didier, là ça va plus du tout. Donc là il faut. Donc c'est pas évident. Après il faut mettre des compresseurs et tout ça, mais après ça devient compliqué aussi. C'est ça. Bon. Mais en même temps, un chanteur qui a une voix faible, ça peut être compliqué aussi. Etienne Dao. Etienne Dao, ouais. Lui, il parle. Tu m'entends. Super bien. Tu fais super bien, Etienne Dao. Imaginez les ingénieurs du son qui enregistrent Renault. Jane Birkin. Renault aujourd'hui. Ou alors, Jim Birkin par exemple, des petites voix, ou même Gainsbourg. Hein. Gainsbourg, il parlait comme ça au micro, déjà pour le faire sortir. Et le pire, c'est que sa voix sort super bien dans ses morceaux, parce qu'il y avait quand même des super grain, techniciens. Ouais. C'est son grain, et puis au-delà de la technique, voilà, enfin là on est dans l'émotion avec Gainsbourg et Jim Birkin, des vraies belles choses, évidemment. Ouais. C'est vrai que ça fait partie du rock'n'roll aussi hein, et quand on parle d'émotion et d'expression je crois que ça me permet aussi dans le chant et si on doit parler de technique lyrique à proprement dit ça le fait de chanter plus fort me permet d'atteindre certaines notes parce que j'ai une voix assez aiguë et t'as une voix très grave quand tu parles et quand tu chantes ça monte dans les aigus ouais. et pour le coup ça me permet de tenir des notes un peu plus haut dans le rock ou dans le rock'n'roll et je ne sais pas pourquoi mais ça a toujours été comme ça. Bah oui, la voix ça se travaille, je suis sûr que tu l'as beaucoup travaillé mais il faut déjà avoir une prédisposition aussi, il y a des gens qui pourront travailler toute leur vie, ils n'auront jamais la voix qu'il faut et d'autres ils ont une voix mais demandent d'être travaillés et donc c'est un ensemble hein, qui fait que les chanteurs deviennent des grands chanteurs parce que ils ont déjà une prédisposition et en plus ils savent travailler parce qu'il faut apprendre à respirer, il faut apprendre à plein de choses. Pour certains, c'est inné. D'autres, il faut tout apprendre. Donc voilà, on n'est pas tous égaux à ce niveau-là. Hein. Chacun. J'ai des harmoniques de rêve systématiquement derrière. ça aide. Je vois que William, il a encore envie de jouer. Ah, mais William, hein. Il est toujours comme ça. Attention. Et puis, il m'a mis un défi tout à l'heure de chanter le premier single. Ça me plaît, ça. Ce qu'on a, j'avais vraiment jamais fait. En version acoustique quoi. Le morceau théorique qu'on a écouté tout à l'heure, ouais. Vous allez le faire en acoustique. Eh bien, il paraît qu'on doit tenter ça. Donc, d'accord, on va le faire. Allez, et c'est sans filet. On verra le résultat après. Navré, David. Ok. Are you ready? On va essayer. voici le temps des belles théories. Les cœurs s'échangent en effets théories. Odeur étrange des grandes théories. On court, on mange au son des théories. Le jour se lève, les belles théories. Le peuple danse avec les théories. Même le silence suffit aux théories. Mais moi je crève de toutes vos théories. Allumez la télévision, comme allumez le feu. Voici le temps des belles théories. Les cœurs se changent en effet théories. Odeur étrange des grandes théories. On court, on mange au son des théories. Les jours se lèvent, les belles théories. Le peuple danse avec. En direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, le groupe Riptide and Tears, en direct live avec le morceau théorique qu'on a écouté tout à l'heure en version studio. Et cette fois-ci, c'est la version Mavrika. Voilà, ah ouais, en live et sans filet. Crois-moi, elle est vraiment unique. Hein. Voilà, très bien, un super moment. Ça, c'est ce que j'appelle les instants magiques dans l'émission Mavrika. Et ça nous fait vraiment plaisir de faire jouer des. Alors quand j'ai eu l'idée au départ de faire jouer des artistes dans l'émission, je me suis dit non, ils vont pas se prêter au jeu. Et finalement, je me rends compte que beaucoup de gens aiment le faire parce que c'est vraiment un travail différent de ce que vous faites habituellement en radio comme ça. C'est assez rare qu'on demande aux gens de jouer en direct live. Donc même si techniquement c'est peut-être pas le top parce que on fait ça avec nos moyens, c'est fait en direct, il y a pas de balance, rien du tout. Mais c'est le côté vivant, le côté humain. Oui. Vous êtes dans les studios de Radio Arc-en-Ciel et vous jouez en direct live sans filet. Il y a aucun effet, il y a rien du tout. Donc c'est vraiment là qu'on voit les vrais artistes. Voilà, très bien. Donc qu'est-ce qu'on fait? On continue avec un peu de musique le temps que vous respiriez un petit peu. Oui, mais j'en pouvais même. Pour en faire un autre. Hein. Bah on est venu avec des cadeaux. Tu veux faire quoi toi? Le lundi au soleil. Le lundi au soleil. C'est une chose qu'on n'aura jamais. Chaque fois c'est pareil. Tu veux faire Tardy le Guide ou Connected? On peut peut-être. Je t'avais ramené une version, alors qui est pas aboutie, d'une chanson qui va arriver, qui sera très certainement le deuxième extrait, le deuxième clip du groupe. La version est non aboutie, la D'accord. fin est musicale, et ce morceau s'appelle Connected. Et donc, normalement, tu... Elle est en anglais. Elle est en anglais. Très décalée, hein, c'est bon. Hein. Très décalée, exactement. Et donc, peut-être tu peux diffuser ça, et en avertissant, bah, évidemment, les auditeurs qu'il s'agit que des prémices de la... D'accord, c'est une maquette que vous avez fait. C'est une maquette, et donc, il y aura aussi... une chanteuse mystère qui va nous rejoindre sur ce titre-là quand il sera terminé. C'est pour ça que c'est à l'état de maquette pour l'instant, mais il y aura également. Vous avez déjà des idées, vous avez déjà. C'est déjà dans le tuyau et acté. Donc voilà, on peut passer le bonjour aussi à Louis qui enregistrera la batterie pour ce titre. Voilà. Il est pas au courant de tout. j'apprends des choses en direct, donc on aura également un nouveau batteur sur ce titre. D'accord. Donc ça, c'est la magie de la musique et je découvre moi-même. Non, mais là, vous nous donnez envie de découvrir tout cet album-là qui est en construction. Donc, moi, ce que je propose, c'est que dès qu'il sera prêt, vous venez à nouveau dans le studio pour nous présenter l'objet final, quoi, cet album qui va s'appeler Zem. Donc, bonne écoute pour Connected. Ouais, la Connected, c'est la chose sérieuse là. seule qui peut me parler, c'est toi, la seule qui peut me calmer. La seule qui peut me parler, c'est toi, la seule qui peut me calmer, c'est toi, dans mes bons jours. Un peu blues, le regard sourd en trouble, un double mal encaissé, le cerveau dégringué, le geste mal assuré, envie de te jeter. La seule qui peut me parler, c'est toi, la seule qui peut me calmer. La seule qui peut me parler, c'est toi, la seule qui peut me calmer, c'est toi, dans mes bons jours. Retour dans les studios de Radio Arc-en-Ciel avec nos invités. Alors là, on vient d'écouter plusieurs morceaux à la suite. On a écouté Riptide and Tears avec Connected, donc la maquette. Hein. Il faut savoir que c'est pas la version définitive, mais qui est bien enregistrée et qui nous permet quand même de découvrir votre style. Il y a un petit côté Muse quand même. Hein, sur ce morceau-là, oui. Sur ce morceau-là, oui, carrément. Ouais, je dirais. Mais bon, en tout cas, super agréable à écouter. Donc, on attend la version définitive. Nous aussi, on compte beaucoup sur les auditeurs et sur la campagne Ulule qui va arriver. Une nouvelle fois, hein, parce que ça va nous permettre de pouvoir produire la suite de l'album et le deuxième clip. Donc, on n'a pas trop parlé des réseaux sociaux parce que c'est difficile d'en faire la promotion, mais bien entendu, Riptide and Tears est écoutable sur Spotify, Deezer, iTunes, et toutes les plateformes sur habituelles. Toutes les plateformes. On va évidemment inviter tout le monde à venir rejoindre la page Facebook et le compte Instagram du groupe Riptide and Tears et voilà, pouvoir en savoir plus au fur et à mesure sur le projet et on aura besoin de tous pour nous aider à communiquer sur les titres à venir et participer à cette campagne qui arrive bientôt. Ce que je voulais savoir, c'est l'album, il a des chances d'aboutir à quel moment? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de travail? Est-ce que ça peut être fait très vite dans les semaines qui viennent? Alors ça peut être en effet fait très vite. L'objet va être quand même de défendre cet album en live hein, pour les festivals qui arrivent au printemps été prochain. Mm-hmm. Donc les titres sont déjà dans la boîte et l'objet c'est vraiment de pouvoir compléter la production puisque voilà il faut passer en studio, il faut se donner les moyens de faire ressortir chaque note comme on l'entend de cet album et puis tous les participants vont venir faire leurs différentes prises complémentaires sur les morceaux qui sont là. Alors, quand tu dis en studio, c'est un autre studio ou est-ce que vous allez le faire quand même vous-même, les prises de son, etc. En fait, on a vraiment justement l'objet de cette campagne va nous permettre d'aller enregistrer dans un studio professionnel, avec un ingénieur du son qui va vous accompagner, etc. Exactement. D'accord. Vous avez déjà une idée du studio ou vous êtes en recherche encore aujourd'hui? Alors, tout ça. C'est en lien avec l'humain aussi, donc ah oui, il faut trouver la bonne personne, hein, c'est sûr que exactement, et puis celle qui est le bon partenaire qui va savoir donner corps à cette musique. Donc on a déjà quelques pistes, et puis c'est surtout ce qui est assez incroyable avec l'aventure de ce premier single pour le partager, c'est de voir l'émulation qui a autour, tous les messages amicaux qui arrivent, puisque je rappelle un petit peu le contexte, mais depuis 6 ans, j'ai pas chanté et j'ai énormément de messages qui arrivent à titre privé depuis la sortie de ce single et je vois donc pour t'encourager, pour dire vas-y lâche rien et puis même des propositions de collaboration sur des titres et des gens qui veulent venir sur le projet, donc tout ça ça crée une chaleur, une émulsion autour de ce projet qui est de plus en plus forte et présente et l'heure est même plutôt à devoir se fendre le cœur à se dire mince, j'aimerais tellement faire quelque chose avec telle ou telle personne et on va devoir faire des choix, donc c'est ce qui est un peu plus compliqué. Enfin, si ça marche bien après premier album, deuxième album, etc. C'est ce que je vous souhaite. Donc là, ce n'est que le début. c'est ce qu'on peut souhaiter, mais en tout cas un grand merci à tous parce que c'est vraiment merveilleux ce qui se passe autour de ce premier titre. Merci. D'accord. Bah, super en tout cas. On va aussi présenter le titre qu'on vient d'écouter. Vous avez reconnu le Red Daff. Oui. Avec la voix de Fabrice. Hein, donc Parano. Donc un morceau tiré de leur dernier album qui s'appelle Fun, qu'on a déjà découvert dans l'émission Maurica depuis un certain temps. Et c'est vrai que ça fait un petit moment que j'avais pas passé un Red Daff. Ça me fait vraiment plaisir de les entendre. Avec un petit côté Bernie Bon Voisin de Trust. Qu'on a retrouvé dans les couleurs. Je voulais aussi vous demander, est-ce que justement, vous avez parlé justement de live. Est-ce qu'il y a des concerts de prévus? Parce que les gens qui vous écoutent ce soir ont peut-être envie d'aller vous voir sur scène. Alors, on est obligé de faire les choses en différentes étapes. Pour l'instant, on a pas de dates qui sont bloquées. L'objet, c'est vraiment de préparer ça. On a des passages télévision locales qui sont passés. D'accord. Le clip va être diffusé également différentes nuits. On a d'autres partenaires radio qui vont arriver, donc l'objet c'est vraiment de lancer cette campagne pour la suite des événements. D'accord. Des perspectives de scène et pourquoi pas une release partie de l'album sur une scène plutôt sympa du côté de chez nous. D'accord, très bien. Donc Tours, c'est pas loin d'Orléans. Oui. Une petite trotte quand même, mais bon, c'est faisable. Hein, c'est faisable. La preuve, c'est que vous l'avez fait pour venir dans les studios ici à 5 minutes du centre d'Orléans. Donc et ça me fait vraiment plaisir parce que c'est un groupe que je connaissais pas et que j'ai connu par ton intermédiaire. J'ai commencé à me renseigner un petit peu et là j'ai vraiment envie d'aller vous voir en concert et puis aussi de découvrir cet album une fois fini, parce que là c'est quelque chose. Vous nous en parlez, vous mettez beaucoup de vous-même dans cet album là et quand c'est comme ça souvent c'est parce qu'il y aura un bon produit fini, un bel album qu'on va pouvoir écouter et réécouter. On espère. On fait tout pour, oui. C'est exactement ça. Je voulais juste parler un petit peu de des concerts, parce que je regardais j'ai enlevé la page. Bon, c'est pas bien grave, on va parler déjà des concerts que j'ai sous la main. Donc déjà demain il y aura un concert organisé par l'association Mavrica qui aura lieu à l'auditorium de l'espace Bérère. Il y aura le groupe Soum Kamil à l'espace Bérère, c'est à la chapelle Saint-Émin. Donc il y aura le groupe Soum Kamil qui fait du swing manouche. Donc pour ceux qui aiment ce côté, moi j'aime bien parce que c'est ça détend, c'est très cool et tout. Clairement. Ça. Et il y aura aussi le groupe Recto Verso avec du pop folk rock franglais. Voilà, donc ils chantent. Il y a des reprises, il y a des compos, il y a plein de choses comme ça. Donc et puis on les a découverts cette année dans l'émission Mavrica. C'est Claire justement et Stéphanie qui font ce groupe-là. Donc ça se passe demain samedi 21 février à l'espace Bérère. Donc c'est l'endroit habituel, sauf que c'est pas la bonne salle. C'est une autre salle, c'est un auditorium, et c'est à partir de 20h, donc on vous donne rendez-vous là-bas, il n'y a pas de souci. Et puis après, on peut aussi annoncer le Mavrica Live numéro 16. Il y aura deux groupes, 3 heures de rock, donc il y aura le groupe Dérapade et le groupe Elixir. Donc c'est le samedi 7 mars, 15 jours, donc 15 jours, quoi, à partir de 20h, à l'espace BR, et cette fois-ci, c'est dans la grande salle. Donc venez, il y aura des exposants, il y aura tout pour passer une bonne soirée. Et puis après, j'avais aussi un autre truc sous la main, mais j'ai dû l'enlever. Et voilà, je retrouve. C'est on a eu il y a quelques semaines l'équipe du Cric Forzik qui est venue ici, donc l'association qui organise des concerts, et il va organiser un concert donc très important le samedi 11 avril, donc ça s'approche. C'est le Cric Fest numéro 5, la 5e édition, et il y aura DGM du Metal Prog, donc c'est pour ceux qui aiment comme le rock assez soutenu, assez qui envoie des décibels. Amon Cetis avec du Metal Prog aussi. Donc le premier était italien, DGM c'est un groupe italien, le deuxième c'est un groupe français, Amon Cetis. Le troisième c'est Prisma, c'est un groupe, c'est un groupe que je connais, qui est déjà venu dans l'émission Mavrica. Donc c'est le groupe de Christophe Denaker, donc qui vient régulièrement et qui organise, et qui est aussi le guitariste de Prisma. Donc c'est du hard mélodique, et il y aura aussi le groupe Epitude, c'est du rock prog français. Donc ça se passe le 11 avril, c'est rue du Stade, donc à Cléry-Saint-André, c'est à l'espace Loire, si je me trompe pas, c'est pas marqué, mais bon, normalement ça s'appelle comme ça. Donc de toute façon, si vous allez à Cléry-Saint-André, vous verrez sûrement. Et donc et ça commence, j'essaie de voir à quelle heure ça commence exactement. À ouverture des portes à 18h30. Donc voilà, il y a de quoi passer une très bonne soirée avec 4 groupes. Donc c'est important d'aller encourager les groupes. Est-ce que vous-même vous allez voir des concerts et encourager les copains, etc.? Évidemment. Évidemment. Évidemment. Ouais, non, c'est pas tout le monde qui fait ça. Hein. Il y en a certains qui vont jouer, puis après derrière ils tournent le dos, ils s'en vont. Moi j'aime bien les gens qui font leur truc et qui regardent aussi ce que font les autres. Le dernier en date. Christophe est venu me voir avec un artiste hip-hop avec qui je travaille, avec une formation batterie, basse et rap. Mmh. Donc, du coup, c'était dans un petit bar à Tours. Christophe est venu. Et puis, moi, j'aime beaucoup aussi aller voir des concerts en bar, découvrir des choses qui se passent, aimer, pas aimer. Mais en tout cas, aller découvrir, voir, ouais. C'est ça, bien sûr, aller voir, découvrir. Ouais. Parce que des fois, on dit, voilà, il y a des gens, dès qu'on leur parle d'une autre chose que leur musique à eux, ils disent, oh, ben non, je connais pas, mais j'aime pas. T'as pris le temps d'écouter? Faut prendre le temps d'écouter. Alors moi quand je vous dis que bon c'est rare, je suis quand même j'aime beaucoup de choses différentes. Quand c'est bien fait, c'est bien fait. Il y a des trucs que j'aime pas, mais c'est pas faute d'avoir écouté. C'est-à-dire que j'écoute, je rentre pas dans le truc, après c'est peut-être le moment, hein. Il y a des moments où je rentre pas dans le truc, il y a des trucs que je découvre quelques années après qu'ils soient sortis parce que j'étais pas réceptif au départ, etc. Donc voilà, c'est comme ça, hein. J'aime bien aller voir des groupes, et souvent il y a d'autres groupes, et puis je découvre d'autres projets, j'aime ou j'aime pas, il y a des trucs que je retiens, des trucs que je retiens moins parce que ça m'a moins plu, mais ça vaut le coup quand même d'aller les encourager, puis d'aller les voir, et puis de prêter important. L'oreille, parce que ça c'est important, ça. Hein. C'est voilà. Très très important, oui, de d'essayer de participer au maximum d'événements. Et puis il y a des gens aussi, pour en revenir à l'humain et aux rencontres que tu fais sur scène. Moi, il m'est arrivé d'aller voir justement les Substellars que j'avais rencontré sur un festival avec qui on avait joué et partagé la scène, et d'autres groupes comme ça qui ont été rencontrés, que j'ai pris plaisir à aller retrouver sur leur scène à eux, et les écouter, et puis en savoir un peu plus sur leur univers et réécouter. Voilà, et ça crée des partages, et c'est important de se soutenir les uns les autres. Mmh. Je parlais tout à l'heure des messages reçus. Je vais embrasser un groupe tourangeau qui a un projet qui s'appelle The Shadows Gone Out, et voilà, j'ai découvert leur univers. Ouais, moi aussi j'ai découvert. On se connaît tous. Hein. J'ai eu l'occasion de les voir sur scène, et franchement, j'ai été de bons musiciens et un vrai chanteur avec une belle voix. Franchement, j'ai adoré. C'est bluffant. Et donc voilà, je tiens à les saluer ce soir. Voilà, donc il y a voilà, comme ça, il y a des belles choses, des belles histoires qui s'écrivent dans la musique, ouais, en particulier. Ça nous rapproche les uns des autres. Et puis on sait jamais, un jour, par exemple, vous avez un bon plan, vous avez envie de partager une scène, vous avez une scène, vous pensez aux copains pour venir jouer avec vous. Évidemment. Et inversement, ils vous renvoient l'ascenseur quelques temps après, évidemment. Ils pensent à vous quand ils trouvent un truc comme ça. Donc c'est un échange, voilà. Et puis il faut savoir que le public, ils aiment bien voir plusieurs groupes, ils peuvent avoir des sensibilités différentes, et c'est bien de partager justement avec d'autres groupes, pour que les gens soient satisfaits d'une manière ou d'une autre, de trouver quelque chose qui leur plaît, si c'est plus le deuxième groupe que le premier, ou plus le premier que le deuxième, voilà, au moins ils auront écouté les deux, et puis après c'est chacun de décider, quoi. Évidemment, voilà. Et une petite pensée aussi pour mes comparses de KTS Kill the Shade, qui seront bientôt au concert à Chambray-les-Tours. D'accord. Donc une pensée pour eux, et je vais faire mon maximum pour pouvoir aller les voir, évidemment. D'accord, très bien. J'ai calé un morceau qu'on écoutera tout à l'heure, mais là on arrive bien à la fin de l'émission, et en plus il va falloir qu'on rende l'antenne à temps, sinon le podcast il va dépasser, et il n'y aura pas toute l'intégralité du voilà. Une chanson, alors. Donc vous avez quand même le temps d'interpréter on est quelle heure, super. Une ou deux chansons comme vous voulez, on va en trouver une. D'accord. Tout à l'heure, il s'avère que pendant le Covid, je fais le pitch très rapidement parce qu'on va la faire, mais pendant le Covid je lui dis viens, on se fait un Edith Piaf à distance, c'était le Covid. D'accord. Et il me dit allez, hop, il s'est mis au piano, et on a fait un Edith Piaf, et il me dit pourquoi on ferait pas un Edith Piaf. Donc clairement on est en 2026, et c'était il y a 6 ans, et un 8 mai 2020, il me dit viens, on fait un Edith Piaf, et ce soir il me redit un nouvel exercice, viens, on fait un Edith Piaf en live. Alors, on va tenter ça. Allez. C'est pas beau, ça. Alors quelle chanson vous avez choisi d'Edith Piaf? On dit pas, allez, on écoute. Ciel bleu sur nous peut s'écrouler, et la terre peut bien s'effondrer. Peu m'importe si tu m'aimes, je me fous du monde entier, tant que l'amour inondera mes matins, que mon corps frémira sous tes mains. Mon amour, puisque tu m'aimes, j'irai jusqu'au bout du monde. Je me ferai teindre en blonde si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi si tu me le demandais. Nous aurons pour nous l'éternité. Direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, le groupe Riptide and Tears qui nous a interprété une chanson de Edith Piaf, c'est l'hymne de l'amour, c'est ça, non? Eh bien ça. Voilà, c'est ça. Parce que, l'amour, voilà. Les amis, l'amour. Ouais, c'est, ça c'est un sujet, voilà, il y a toujours de quoi dire dans les chansons et ça marche toujours aussi bien, donc voilà. Ouais, très bien. C'est même le sujet de quasi toutes les chansons. Ouais, c'est. Je pense que ça revient en boucle. Hein. Moi, j'ai envie de la mettre d'actualité cette chanson. Quand à la fin elle dit, c'est très orienté quand elle dit Dieu réunit ceux qui s'aiment. Déjà, il faut croire en Dieu. Et du coup, on peut imaginer que c'est un Dieu commun à l'humanité. Un Dieu qui réunit juste ceux qui s'aiment, peu importe leur couleur, leur religion, leur âge. Leur origine, mais cette musique, elle peut nous dire bien des choses sur le sens de se réunir. Et l'amour est le centre de tout et permet la réunion, oui. Bien sûr. Très bien. Et la musique, c'est un prétexte pour se réunir aussi. C'est ça. Et voilà, c'est un langage universel qui nous permet, à nous humains, de nous sentir bien ensemble. Voilà, tout simplement. Très bien. En tout cas, bravo pour ces messages, puisque moi, ça me fait plaisir. C'est des trucs qui me touchent. Et c'est pour ça que je fais de la radio depuis aussi longtemps. Merci. Et que je reçois des groupes comme vous. Donc, c'est vraiment un plaisir. On partage plein de choses, plein d'émotions en direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. On remercie Radio Arc-en-Ciel de nous permettre de faire cette émission déjà depuis bientôt 16 ans. Hein. Ça s'approche. Ce sera mois de juin. Voilà. On va remercier aussi tous les auditeurs qui nous ont écoutés, tous ceux qui nous ont mis un petit mot sur le Facebook, etc. On va remercier aussi Florent qui nous fait les podcasts. Voilà, le fameux Florent dont je vous parlais tout à l'heure. Merci, il nous fait Florent, les podcasts, merci, il nous les enregistre. Là, aujourd'hui, falloir dépasser des 22h, sinon ça sera pas dans le podcast. Enfin, Florent, tu coupes quand tu veux, il y a pas de souci. En tout cas, merci beaucoup pour ce que tu fais. Et puis voilà, on a fait les remerciements à tous ceux qui nous écoutent, ceux qui nous soutiennent, etc. Ceux qui soutiennent aussi les groupes, ceux qui vont au concert, ça c'est important. On va dire aussi des phrases magiques, c'est que le rock'n'roll soit avec vous. Une vie sans musique. C'est quelque chose que je dis depuis les premières émissions où j'étais tout seul dans l'émission. Je disais que le rock'n'roll soit avec vous. Et c'est resté, donc. Ça fait un petit peu de génialité, mais il est important parce qu'on parle d'amour et d'amour de la musique et cette passion que tu transmets avec tes mots et ta façon de parler de la musique et t'adresser à nous depuis tout à l'heure. C'est un vrai moment de partage cette émission sur Radio Arc-en-Ciel et Albino, vraiment on va te remercier de nouveau de nous avoir accueillis sur ton plateau et avec cette chaleur et de trouver systématiquement les mots justes. Voilà, on vient de passer quasiment 3 heures ensemble. Ouais, on n'a pas vu le temps passer. Et comme on disait, quand on arrive à la fin de l'émission, qu'on n'a pas vu le temps passer, c'est que ça s'est bien passé. Si on commence à regarder l'heure, c'est qu'il y a un problème. Et c'est assez rare que ça arrive quand même, parce que c'est vrai que je reçois des gens de tous les milieux, de tous les... On parlait tout à l'heure de toutes les origines, de toutes les couleurs. On s'en fout, l'important c'est de passer un moment ensemble. Alors ces moments-là, moments-là qu'on a vécu ensemble, personne ne pourra jamais nous les enlever. Voilà, ils nous appartiennent. Ouais. C'est quelque chose qu'on a mis et qu'on pourra garder. On fabrique des souvenirs tous les vendredis soirs avec des artistes. Et puis, tu vois, j'avais le souvenir de ton passage il y a déjà 8 ans. Le temps passe très vite. Et tu vois, on se retrouve à nouveau ici parce que quelque part, ben voilà, il y a quelque chose qui nous réunit à nouveau. Donc, Merci. Tu m'as fait connaître William. C'est un grand plaisir aussi. Donc, le rendez-vous, on prendra un rendez-vous pour la sortie de l'album. Ça c'est évident. On reviendra avec grand plaisir, évidemment. Voilà. Les phrases magiques, donc, que le rock and roll c'est avec vous. Une vie sans musique serait une erreur. Et everything is gonna be alright. Parce que nous, on a toujours ce message d'espoir parce que on espère que chaque jour sera meilleur que le précédent. Ouais. Ce qui n'est pas forcément vérifié, mais nous on continue. C'est une science exacte. C'est pas une science exacte, mais on continue dans cette optique-là, et c'est ça le plus important. L'important c'est pas d'obtenir quelque chose, c'est la direction. Nous on va dans cette direction-là en tout cas, et tant qu'on nous arrêtera pas, on continuera à être à vouloir faire des choses bien. Voilà, donc on arrive à la fin de cette émission. Vous voulez encore faire un live? On a encore un petit peu de temps. Moi, j'essaierais bien quelque chose qui n'a pas été travaillé du tout. Voilà. D'accord. Et puisqu'on vous êtes des kamikazes quand même. Mais puisqu'on parle d'exclus, puisqu'on parle d'exclus, etc. Et William n'a jamais entendu encore cette chanson qui sera probablement sur l'album. Donc, d'accord, voilà, une découverte pour tout le monde. Voilà, mais comme il s'agissait d'une émission en acoustique, je me suis dit que j'allais essayer de la faire avancer. La version n'est pas du tout complète et ressemble pas du tout à ce qu'elle sera sur l'album, mais il est certain qu'elle donc là sera. C'est le projet vraiment à l'état brut de chez Brut, et on va l'essayer malgré tout parce que on est comme ça. Très bien, ça te va? C'est parti, et regarde, même je t'accompagne. Voilà. Allons-y. Je sais pas si au niveau du son on est bon. Donc c'est du live, hein. Just because We are more than the lie, more than the try, much more than the secret. Bravo. En direct live, voilà un morceau qui n'était pas prévu. Hein. Et donc c'est un morceau que c'est la première fois que tu le joues comme ça en direct avec William. Il l'a inventé comme ça. Il l'a inventé. C'est vraiment ça en fait. C'est la première interprétation. Je ne connaissais pas ce titre. C'est sa première écoute. Ça. D'accord, tu ne le connaissais pas. Non. Je valide. Non, parce qu'en plus, le morceau est super beau. En plus, ça fait très, très folk, moi, je trouve, avec les guitares, etc. C'est le côté un petit peu. On retourne un peu dans la fin des années 60, 70, etc. Et dans les festivals, ça, c'est une chanson à chanter devant un micro, devant une foule. Moi, j'imagine ça comme ça. On est un peu dans un esprit, ouais, de Murray et de et de Pearl Jam avec Eddie Vedder dans un album donc c'est un peu ça l'esprit, tout à fait, c'est folk en tout cas. Merci. Ouais c'est vrai que ce petit côté folk que j'aime bien en plus avec vos guitares que... c'est super en tout cas. Il s'appelle comment ce morceau? Il s'appelle More Than a Lie, plus qu'un mensonge. More Than a Lie. Donc, on va marquer tous les titres, hein, parce qu'il m'en manque quelques-uns. Donc, après, on les marquera. Il faudra pas oublier. Et puis, donc, on arrive à la fin de cette émission. Donc, est-ce que vous avez un message particulier à faire passer auprès des auditeurs? Le message publicitaire évident, rejoignez nos pages et tous les supports et écoutez-nous, un petit pouce, évidemment ça fait plaisir. Il y a cette campagne Ulule qui arrive bientôt et qui nous aidera à mener à bien ce projet. On compte évidemment sur la participation de tout le monde. Mais le message le plus important, c'est mince, aimez-vous les uns les autres, quoi, on en a besoin en ce moment. Ouais, j'allais dire des gros mots, mais non. Allez-y. Voilà, c'est important. Il faut s'aimer les uns les autres. Là, il est temps et grand temps. Il est temps parce que là, on va vers des choses. On commence à diviser les gens de plus en plus, et puis il y a une atmosphère qui est pas saine en ce moment. Pas vraiment. C'est ça. Donc ouais. il est temps. Il faut pas choisir un camp. Il faut qu'on choisisse juste le camp de s'aimer les uns les autres. Ouais, voilà, c'est tout. Et puis le monde est assez grand pour qu'on cohabite sans. Si on s'entend pas bien avec les gens, on leur tourne le dos et puis on fait autre chose, quoi. Mais il y a des fois où on laisse pas les gens vivre comme il faudrait. Il y a quand même quelques combats à mener, hein, attention. S'aimer, ça veut pas dire être. Ah oui. Ça veut pas dire être silencieux non plus. Il y a jamais rien d'acquis. Il y a des choses qu'on croit et en vérité, il faut toujours lutter pour les maintenir parce que sinon, on les perd et on tombe dans l'obscurité. Il faut éviter l'obscurantisme absolument et ça passe par l'amour. Je pense que c'est la plus grande démonstration qu'on puisse en faire. Oui. Très bien, c'est les mots de la fin en tout cas. Merci beaucoup d'être venu dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. C'est vraiment un plaisir. Cette émission était super. Merci à toi. Et puis donc vous revenez quand vous voulez. Vous connaissez l'adresse maintenant. Vous connaissez les horaires et tout ça. Donc pour une prochaine émission, dès qu'il y aura de l'actualité. Je pense à l'album et peut-être aussi des dates pour les concerts, etc. Donc et peut-être des concerts sur Orléans même. Si parmi les auditeurs, on a des dates à prendre à Orléans, évidemment on viendra avec grand plaisir. Vous êtes nos cousins à Orléans, hein, tout bah à oui, Orléans. On sait très bien, mais jusqu'à Paris, etc. Moi j'ai dit souvent Paris c'est la banlieue directe d'Orléans. et Orléans c'est la banlieue de Tours. Voilà, on est tous en banlieue là-dedans. C'est ça. Très bien, donc merci à vous en tout cas, Christophe, d'être venu pour la deuxième fois, et William donc pour la première fois. Donc vous êtes les bienvenus, vous faites partie de la Maverica Family. D'ailleurs, je vais vous remettre un diplôme pour votre passage dans l'émission Maverica. Ça c'est la tradition qui est toujours là. Et puis on va dire aussi, on va souhaiter aux auditeurs ainsi qu'à tous ceux qui nous ont écoutés et pendant toute cette émission, on va leur souhaiter déjà une bonne soirée, une bonne nuit, un bon week-end, une bonne semaine. Bien sûr. Et rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine, alors je reprends un petit papier. parce que la semaine prochaine on reçoit un groupe qui nous vient de Lille et il s'agit de Nightfall District. Est-ce que vous les connaissez? Non. Absolument pas. Bah, ça sera l'occasion de les découvrir justement. Ouais. Et moi aussi, parce que j'ai essayé de trouver quelque chose pour pouvoir diffuser à l'avance, mais j'ai pas trop. Donc on va découvrir en direct live de la semaine prochaine Nightfall District pour l'émission numéro 676. Voilà. Il y en a qui suivent. Hein. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. C'était vraiment un plaisir. Merci. Et on va se quitter avec un morceau de KTS, Kill the Shade. Donc, le morceau, j'ai choisi le premier, hein, Au-dehors. Très bien celui-là. Ouais. Très bien, on écoute ce morceau-là. En tout cas, on remercie tout le monde encore une fois. Bonne et rendez-vous soirée. La semaine prochaine à partir de 19h, même endroit, même heure, 19h, même endroit, 96.2 MHz et sur www.radio-arc-en-ciel.com. Merci Albino. Allez, ciao, ciao. Sur la plage des amants, dévoré, je cherche ma cité, des chemins oubliés. Dans les corps de gens bandés, je marche à flot, espacé sans pouvoir me toucher. Mes sens détruits par l'isolement. Sont effacés sur nos visages, nous ne voyons que les larmes. Et dans nos mains, l'espoir enflamme. Le souvenir des foules enivrées, le souvenir des foules enivrées. Étranger de l'absurde, l'ordinateur central ne répond plus. Je suis l'automate d'une vie sans but. Les sourires se sont effacés sur nos visages, nous ne voyons que les larmes. Des foules enivrées, le souvenir des foules enivrées. Mon salon. lumière. Peut-on tout recommencer comme hier? Les sourires se sont effacés sur nos visages, nous ne voyons que les larmes. Et dans nos mains, l'espoir enflamme. Le sourire des foules enivrées, le sourire des foules enivrées. Arc-en-ciel, des étoiles plein la tête. Os signatários criticam os pedidos de demissão feitos por governos como os da Alemanha, França ou Itália e pedem que o governo de Portugal não ceda e rejeite quaisquer pressões externas que procurem a destituição.